Assemblage Rocky édition week-end pour la semaine du 22 janvier 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Cette semaine, on a créé des tendances, Tania. Tout le monde était pendu à nos lèvres et avalait tout ce qu'on disait, comme une jeune millionnaire menteuse. Ça tombe bien parce que Sébastien Guertin a dit ce qu'il pensait vraiment des influenceurs dans son bulletin Guertin. Dominique Notte-Mavungo a aussi parlé de médias sociaux avec quelques chaînes YouTube africaines dans Voix d'Afrique. Et Justine Renaud nous a parlé d'une suite de nombres qui influence énormément la nature dans sa chronique Justine Pertine. Tout est dans tout. Marc-Olivier est revenu sur la déclaration de forfait forcé de l'équipe de hockey des Patriotes et tu nous as parlé de vitamine D, de tendance santé et de la hausse du taux directeur au Canada dans Tania's Gonna Entertain You. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vert et vous inscrire à ma chaîne. Bye! Tu gosses. Tu vois, je pourrais être une YouTubeuse n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que tu gosses. Ouais. Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. Tan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. J'essaie de faire un petit mélange des styles musicaux. Ouais, hey, c'était parfait. Ouais. Donc, aujourd'hui, Tania, j'entends dire qu'on parle de vitamine D. Oui, exactement. On va parler de vitamine D parce qu'on est directement dans la saison où le soleil se fait tellement plus rare. Discret, gêné. Ouais, exactement. Gêné, se cache, assez de bonheur, souvent. Et ça fait en sorte qu'on a peut-être quelques changements au niveau de notre personnalité. Notre humeur. Au niveau de notre physique aussi, sachez-le. Parce que le soleil, c'est la plus grande source de vitamine D qu'on peut pas avoir. Et la vitamine D, bien, c'est un nutriment qui est quand même assez primordial pour les os, la peau et la santé mentale. Oh. Donc, on regarde tout ça, puis ça fait en sorte qu'il y a environ 80 à 90 % des vitamines D qui viennent du soleil. Mmh. Alors, à cette température-ci, à ce temps-ci de l'année, si on calcule ça comme ça, ça fait que 80 à 90 % de notre vitamine D est un petit peu... Déficiente. Exactement, c'est en plein ça. Et on a fait plusieurs études, en fait, sur le sujet, sur ce qu'est la vitamine D, qu'est-ce que ça apporte au niveau humain. Entre autres, du côté de l'Université de Boston, on est allé chercher du côté de la biophysique, on est allé chercher du côté de la psychologie, de la physiologie. Alors, il y a certains médecins qui se sont concentrés justement sur qu'est-ce que ça fait. Et se priver de soleil et de vitamine D, bien, ça fait en sorte que peut-être que les enfants vont être exposés un petit peu plus facilement au rachitisme, les adultes à l'ostéoporose, donc on va avoir un petit peu plus de difficultés là, au niveau de nos articulations. Et la déficience aussi en vitamine D, bien, ça fait augmenter les risques de pression sanguine. Ça fait élever justement notre pression à ce niveau-là. Ça peut aller jusqu'à très élevé. Et les gens qui ont du diabète de type 2 vont aussi voir certains changements au niveau de leur propre personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller à ce moment-ci de l'année pour savoir si on est en carence ou non de vitamine D? Parce que si on est en carence, bien, sachez qu'il y a des solutions là, à tout ça. Ça s'en vient. Soyez patient. C'est ça, exactement. Donc, le premier signe, en fait, c'est que vos os vont probablement être douloureux. Oh. Surtout en hiver, les adultes qui sont déficients en vitamine D ressemblent pas mal plus à des douleurs de niveau des muscles et osseux aussi. Donc, les articulations sont un petit peu plus raides au réveil. C'est peut-être une bonne indication là, que vous auriez peut-être un petit manque au niveau de la vitamine D. Sinon, le deuxième point, c'est que vous pouvez être déprimé. Là, on s'entend que déjà en partant, on est vraiment dans la saison de l'année où les gens sont souvent le plus déprimés. Mais la vitamine D, ça augmente les taux de sérotonine, selon un médecin qui s'est basé sur plusieurs études, qui est Michael Halleck, un médecin. Donc, un neurotransmetteur, ça aide à se sentir mieux, évidemment. Et dans le cadre d'une étude qui date de 1998, il y a des personnes qui étaient saines, à qui on a donné des petits suppléments là, de vitamine D en hiver. Et ça l'a montré, en fait, qu'on avait un meilleur état d'esprit que les personnes qui n'avaient jamais reçu de vitamine D. Ah oui? Oui, donc de ce côté-là, c'est sûr et certain que là, on le sait, la vitamine D, ça change beaucoup de choses au niveau de la santé mentale, au niveau des os et tout ça, comme on discutait tout à l'heure. Alors, si on va chercher un supplément de vitamine D, déjà à la base, on devrait peut-être se sentir un petit peu mieux au niveau de notre joie de vivre. Intéressant! Oui, en effet. si vous avez une carence en vitamine D, vous avez probablement au moins 50 ans. En fait, la peau, ça produit plus autant de vitamine D avec l'âge. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les reins sont moins efficaces pour justement convertir ces vitamines-là en une espèce de forme utilisable d'énergie à ce niveau-là. Et selon la Société américaine contre le cancer, bien, c'est les gens qui sont un petit peu plus âgés qui vont voir les répercussions plus rapidement de la carence en vitamine D. Donc, les personnes qui sont âgées vont avoir beaucoup moins tendance à passer du temps à l'extérieur, encore moins à ce temps-ci de l'année. On veut pas se casser quelque chose, on veut pas se blesser, il fait froid, on sort pas. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qu'on a réussi à observer. Les gens qui sont un petit peu plus âgés, souvent, à ce temps-ci de l'année, on va avoir une grande carence en vitamine D. Et on saura peut-être pas non plus aussi comment l'ajuster, comment aller chercher des suppléments pour avoir cette bonne vitamine D-là et se sentir beaucoup mieux dans notre peau. Vous êtes peut-être en surpoids ou obèse si vous sentez que vous avez une petite carence en vitamine D, parce que les personnes en surpoids connaissent aucun changement au niveau de la vitamine D, mais il y a une concentration beaucoup plus élevée de graisse dans le sang et ça fait en sorte que ça influence le taux de vitamine D qui va rester dans votre corps. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que si vous voyez que, bon, vous avez peut-être gagné un petit peu de poids dans le temps des fêtes, là, ça veut pas dire que vous êtes en surpoids, OK? On se calme, là, on fait attention. Mais, par contre, vous avez peut-être une peau beaucoup plus mate, beaucoup moins shiny. Moins brillante. C'est ça, exactement. Donc, il y a des études qui ont démontré qu'il y a des différences démographiques qui sont quand même assez claires pour les insuffisances et les déficiences en vitamine D. La peau, c'est comme une petite crème solaire naturelle, OK? Là, je vous dis pas de pas mettre de crème solaire. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, on fait attention à notre peau. Mais notre peau, c'est déjà comme une crème solaire naturelle. Et une crème solaire avec un indice 30, ça va réduire l'habilité de la peau à produire de la vitamine D de 97%. Donc, une personne qui a une peau très sombre va avoir besoin d'être exposée au soleil 10 fois plus longtemps qu'une personne qui a la peau pâle pour produire le même taux de vitamine D. Donc, si on a la peau un petit peu plus mate ces temps-ci, c'est peut-être parce que vous êtes en carence de vitamine D à ce moment-là et vous allez peut-être vouloir aller chercher quelque chose qui va justement vous amener plus de niveaux de vitamine D dans votre corps. Si vous transpirez beaucoup de la tête, à ce temps-ci de l'année, bien, ça se peut que ce soit à cause du manque de vitamine D qu'il y a dans votre système. Parce qu'il y a un siècle encore, les docteurs demandaient aux jeunes mères si leur bébé suait beaucoup de la tête. C'est un des premiers et des plus classiques signes de déficience en vitamine D. Donc, si vous suez beaucoup de la tête, là, et là, on s'entend, vous venez pas de passer 3 heures avec une tuque à l'extérieur sur la tête, on parle vraiment là, de transpirer. Peut-être après avoir fait une activité toute simple, le ménage par exemple, mais vous voyez que vous transpirez vraiment beaucoup de la tête, c'est probablement parce que vous avez un bon manque de vitamine D à ce moment-là. C'est sûr que là, on vient de terminer le temps des fêtes, on a mangé pas mal n'importe quoi, on a bu aussi, mais si vous avez des problèmes d'intestin, les personnes atteintes de maladies coliaques qu'on appelle ou inflammatoires au niveau des intestins sont beaucoup plus exposées à une déficience en vitamine D à cause de la façon dont les maladies gastro-intestinales vont affecter l'absorption du gras et l'absorption de la vitamine D. Donc, à ce niveau-là, si déjà vous savez que vous avez peut-être un petit peu tendance à avoir des petits problèmes d'intestin là, à ce temps-ci de l'année, bien, allez chercher justement ce supplément de vitamine D-là qui va peut-être vous amener un équilibre dans votre système pour que vous vous sentez beaucoup mieux. Comment est-ce qu'on peut régénérer notre vitamine D sans avoir trop de problèmes? Bien, justement, le même médecin que tout à l'heure, Michael Ollick, indique que l'exposition au soleil, en fait, c'est un petit peu la clé parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça amène 80 à 90% de notre apport en vitamine D. Mais il faut se protéger quand même au niveau de la peau. On l'a dit tout à l'heure, la peau, c'est une crème solaire naturelle. Il faut quand même se mettre une petite protection de plus, mais on veut pas y aller avec une trop grosse protection, surtout pas à ce temps-ci de l'année. Pourquoi? Parce que si on met une trop grosse protection à ce temps-ci de l'année, on va manquer de vitamine D. On ne sera pas capable d'absorber tout ce que le soleil veut nous amener en termes de vitamine D. Et si vous êtes du genre à attraper des coups de soleil, par exemple, au bout de 30 minutes sans crème solaire, bien ce qu'on vous suggère, c'est de sortir 10 à 15 minutes, puis ensuite, mettez votre protection solaire. Donc, on va garder les 10 à 15 premières minutes pour justement faire l'absorption de vitamine D au niveau de notre corps, au niveau de notre peau, de façon optimale. Et par la suite, on va venir se mettre une protection pour pas avoir de blessures là, au niveau de la peau. Il faut exposer nos bras, nos jambes, notre abdomen, notre dos, si on peut, pour ben justement absorber un maximum de vitamine D. Là, chef, dire, allez pas vous pointer en sous-vêtements ou en costume de bain dehors à ce temps-ci de l'année. Surtout pas que demain, il annonce comme 43 cm de neige puis une tempête de verglas. Faites attention, là. On s'entend que si vous sortez à l'extérieur et que vous avez déjà le visage découvert, ça va être une bonne idée. Vous allez quand même absorber de la vitamine D. C'est sûr que si on veut y aller de façon vraiment optimale, écoute, tu peux le faire de sortir 10 minutes à l'extérieur en short sur ton balcon, là. Mais je suis pas certaine que tu vas pas geler. Tu vas avoir de la vitamine D, mais tu vas avoir aussi le rhume. Exactement. Encore faut-il que le soleil soit présent lorsque vous allez décider de sortir à l'extérieur, sachez-le. Si le soleil n'est pas présent, c'est sûr que là, au niveau de la vitamine D, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour vous. Mais sachez que vous pouvez aller chercher beaucoup de vitamine D aussi dans des aliments. Parce qu'il y a des aliments qui sont très, très riches en vitamine D. Et la vitamine D, bien, c'est soluble dans les réserves de gras du corps. Donc, ça aide à absorber justement le calcium alimentaire qui va contribuer au niveau de nos os. Et c'est pour ça tout à l'heure qu'on disait que vous allez peut-être avoir un petit peu plus mal aux os ces temps-ci de l'année. C'est que justement, le gras corporel n'est pas capable d'absorber cette vitamine D-là. Donc, nos os vont avoir un petit peu plus de difficultés. Mais ça semble être bénéfique en cas d'arthrite aussi, de problèmes dermatologiques comme par exemple le psoriasis, les problèmes digestifs comme les maladies inflammatoires qu'on disait tout à l'heure. Donc, on intervient quand même dans la prévention du diabète au niveau de la vitamine D. On parle aussi de prévention au niveau cardiovasculaire. On parle aussi de certains cancers. Quand on a une grande carence en vitamine D, bien, on va être pire, en fait, dans ces situations-là. Donc, si on a justement certains aliments qu'on peut consommer pour aller chercher le maximum de vitamine D qu'on peut avoir à ce moment-ci de l'année, bien, c'est une très bonne idée. On l'a dit tout à l'heure, une carence en vitamine D, ça va provoquer des douleurs qui vont être musculaires, qui vont être osseuses, ça va augmenter le risque de rachitisme, donc tout ce qui est moteur de croissance à ce niveau-là. Et chez les enfants, on parle d'ostéoporose, on parle de fractures aussi beaucoup chez les personnes âgées, donc il faut faire attention encore une fois, mais on l'appelle la vitamine soleil. Parce que c'est capté, c'est synthétisé avec une bonne exposition, quinzaine de minutes par jour. Ça pourrait déjà, à la base, faire un grand changement. Si, par exemple, vous vous dites, ben moi, par jour, là, je vais me mettre comme défi d'aller chercher ma vitamine D, ma dose de vitamine D. Je vais prendre une marche de 15 minutes. Bien, de un, vous augmentez votre rythme cardiaque, donc vous faites de l'exercice et vous allez chercher votre manque de vitamine D. Donc, à ce niveau-là, ça serait peut-être une bonne chose pour vous d'aller faire ça. Sinon, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, bien, il y a certains aliments que vous pouvez prôner dans votre régime alimentaire à ce temps-ci de l'année. Le premier, c'est le saumon frais ou encore le saumon fumé. Parce que c'est une prise qui va regorger quand même de bons gras. Ça regorge aussi de saveurs. Et ça s'apprête quand même assez bien, facilement aussi, très, très malléable au niveau de la cuisine. Donc, que ce soit en papillote ou peu importe. Mais on va conserver les restants pour le lendemain, pour en avoir le plus possible, en fait. C'est ce qu'il faut penser. Il faut dresser une petite sauce qui sera pas trop à l'encontre du goût du saumon, qui sera pas non plus trop grasse, parce que déjà, à la base, le saumon, c'est gras. Donc, si on veut avoir l'apport en vitamine D qui se retrouve à l'intérieur du poisson, faudrait pas annuler, en fait, tout ce qui se trouve comme bon nutriment à l'intérieur du saumon. Donc, on va essayer d'y aller un petit peu plus virgin au niveau de la sauce là, ou au niveau du badigeonnement du poisson. Sinon, les valeurs nutritives, bien, comme on le disait tout à l'heure, c'est un poisson qui est gras, donc c'est riche en vitamine D. On parle de plus de 12 microgrammes ou presque 500 unités internationales par portion de 3 onces. Donc, un 3 onces de saumon, là, c'est pas beaucoup, OK? C'est pas un gigantesque saumon, on s'entend. Et ça va vous amener une importante dose de vitamine D. Le saumon, c'est riche aussi en protéines. Donc, c'est pauvre en mauvais gras. C'est du bon gras, sachez-le. C'est sûr que si vous mangez un saumon par jour, ça se peut qu'à la fin de la semaine, vous ayez peut-être des douleurs à l'estomac, vous avez de la misère à digérer ou peu importe. Mais en version fumée, sachez qu'elle va contenir beaucoup moins de vitamine D. Tout à l'heure, on parlait justement de saumon frais ou de saumon fumé. Prenez le saumon frais à ce niveau-là, mais encore une fois, gardez en tête que vous voulez l'avoir quasiment le plus virgin possible. Peut-être avec seulement quelques tranches de citron à ce niveau-là, parce qu'on veut aller chercher justement la part en vitamines, la part en protéines au niveau du saumon. Par la suite, le thon rouge, c'est une bonne source de vitamine D aussi. Ça peut être consommé comme vous voulez, là, cru, en conserve, en tartare, en assiette de sushi, peu importe. C'est une texture qui est appréciable pour certains, qui a un goût quand même assez unique. Mais on parle d'un poisson cru qui offre 2 microgrammes ou 80 unités internationales de vitamine D. Donc, par 4 onces, encore une fois, c'est pas beaucoup 4 onces. Donc, si vous vous dites, par exemple, dans un sandwich, là, je vais me mettre une conserve complète. Bien, vous avez quand même là une très grande apport en vitamine D et ça va regorger de protéines, encore une fois, parce que c'est un poisson qui est très bon pour la santé. Et c'est pardon? Il n'y a quasiment pas de mauvais gras saturé dans le thon. Sachez-le, c'est un des poissons qui a le moins de gras. Donc, on va opter pour, par exemple, le thon en conserve. Vous allez tripler la dose de vitamine D avec du thon qui se retrouve déjà en conserve. Donc, pensez-y. Si vous êtes du style à vous faire une petite sandwich au thon, là, allez-y avec le petit thon en conserve. Sinon, sachez que le lait de vache, c'est un aliment qui est riche en vitamine D. Pour certains, ça peut être assez difficile, surtout si on a une alimentation vegan ou végétarienne à ce niveau-là. Mais un verre de lait, ça va contribuer certainement à l'apport de vitamine D. Encore une fois, on va aller chercher 3 microgrammes. C'est pas tout. En fait, ça promet pas moins de 8 grammes de protéines et 3 mg de calcium. Donc, on disait que justement, la carence en vitamine D, ça peut amener certains problèmes au niveau des os. Et là, avec le lait de vache, déjà en partant, ton calcium va être meilleur, donc tes os vont se sentir beaucoup plus en forme. Mais nous, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est vraiment ce grand niveau-là en vitamine D qui va être nutritif pour notre corps et qui va faire en sorte qu'on se comporte beaucoup mieux. Et si vous êtes justement dans un régime de style vegan ou végétarien, bien sachez que la boisson de soya, le lait de soya, c'est quelque chose qui est qui va venir équilibrer votre manque de lait de vache. Mais c'est très nutritif, c'est enrichi de vitamine D. C'est quasiment mieux, en fait, que le lait de vache. On va retrouver plus de 2 microgrammes dans une tasse. Donc, on va se régaler les papilles, en fait. On va faire le plein de calcium. On va faire le plein aussi de produits végétales. Donc, à ce niveau-là, vous êtes quasiment mieux avec le lait de soya qu'avec le lait de vache pour venir chercher là, votre bon apport en vitamine D. Et sinon, on peut y aller avec des boissons qui vont être enrichies, par exemple des boissons d'amandes, des boissons de riz, des boissons de coco, le lait de coco. Ça va aussi vous amener une bonne dose de vitamine D. Et sachez que la plupart des margarines est augmentée en vitamine D. C'est là que vous allez pouvoir aller chercher aussi beaucoup de gras vitaminé au niveau de votre vitamine D pour votre alimentation. Et les jaunes d'œufs, mesdames, messieurs, c'est la partie qui est dite mesquine, en fait, d'un œuf, là. C'est le centre jaune. On a été victime de représailles des autorités de la santé dans le passé à ce niveau-là. Il y en a beaucoup qui prônent, en fait, seulement le blanc d'œuf. Mais sachez que le jaune d'œuf, c'est la valeur nutritive incroyable pour la vitamine D. Donc, ça fait un allié de choix, en fait, dans votre alimentation, surtout à ce temps-ci de l'année. Si on se dit que c'est à peine 70 calories par œuf entier, bien, à ce niveau-là, vous allez avoir une très bonne dose, de vitamine, parce qu'il y a de la vitamine A et de la vitamine B12 dans le jaune d'œuf. Mais vous allez aussi avoir des antioxydants. Ça va protéger, bien évidemment, vos yeux, vos os, tout ça. Tout ce qu'on disait tout à l'heure qui va être assez difficile à gérer en carence. Et avec la bonne dose de vitamine D, bien, vous allez mieux vous sentir. Alors, pensez à ça. Changez peut-être votre alimentation à ce niveau-là. Et faites attention aux signes. Peut-être que vous vous dites que c'est juste de la fatigue, mais vous avez peut-être une carence en vitamine D, donc pensez-y. Sortez un petit peu plus à l'extérieur lorsqu'il fait soleil, peut-être sur votre heure de dîner. Si vous avez la chance, bien, allez faire un petit 15 minutes de marche. Déjà en partant, ça va vous donner beaucoup plus de joie.

she can save. Oh my Lord, take this home, leave me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home, lay me at the bottom, the bottom of the dans la publicité, c'est juste ce petit bout-là qui vient de jouer, le dernier petit punch, là, c'est ça. Donc, c'était Blue Saraceno avec The River sur l'album Dark Country 4. C'est dans une publicité pour la série Cardinal avec Karine Vanos, quand ça joue sur CTV. Donc, ça m'a accroché. Et le est-ce que tu as écouté cette série-là, Mathieu? Non, c'est non. Incroyable. Ah oui? Oui, j'ai écouté la première saison. J'ai pas encore écouté la troisième. Je crois qu'on est rendu à la troisième. Oui. Mais c'est sûr et certain qu'il faut que je m'y remette. C'est vraiment, vraiment bon. Good. Tu me dis rien de plus que ça? Ben, je veux pas te voler de punch. OK. Mais ça se passe dans le milieu policier. Ah, ouais. Good. Cardinal. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. T'es pas prêt à boire, toi? Hey, je me suis brûlé la langue comme ça a pas de bon sens. Ben, t'sais... On l'a vu venir, nous, en studio. Oui, hein? En effet. C'est ça. Caméra 3. Caméra 3. Donc, Tania, aujourd'hui, on parle encore de santé. C'est ta thématique du mois de janvier, pas mal, on va se ça dire. Ça ressemble pas mal à ça. Je te dirais que j'ai commencé l'année 2018 du bon pied. Je me suis remis à faire beaucoup de choses que je faisais dans le temps que j'avais pas eu le temps de faire en 2017. Alors, ça vient... Ça ressemble pas mal à ça. Fait que ça vient un petit peu avec la tendance que j'ai, moi aussi. Bien évidemment, en faisant mes recherches, je fais des recherches sur ce que j'aime, ce que j'apprécie. Ben oui. Et j'espère que vous aussi, ça vous amène peut-être soit quelques trucs, quelques idées ou tout simplement vous vous en foutez. Ben non, mais ça choisis bon. Tes combats. Ça dit bon, j'ai mis ma tuque puis mes mitaines tous les jours depuis que tu as fait ta chronique là-dessus. Exactement, t'as-tu vu? T'as moins la grippe, hein? Là, ça fait deux semaines que je l'ai dit. Donnons-nous encore quelques temps, oui. Il a commencé à les mettre pendant qu'il y avait le rhume. C'est comme quand Trump dit qu'il n'y a pas encore eu d'attaque terroriste pendant que je suis là. Ben ouais. C'est ça. Écoute, t'as raison. C'est ça. C'est pas faux, là. Oui, en effet. C'est pas nécessairement toi, là, mais OK. On l'a dit un petit peu plus tôt cette année, en 2018, c'est vraiment l'année où les gens semblent vouloir faire de gros changements sur leurs habitudes de vie. C'est sûr qu'un début d'année, c'est tout le temps comme ça. Oui. Mais là, 2018, c'est vraiment la grande tendance, en fait, de l'année complète. Nouvelle année, nouveau toi. Nouvelle année, nouveau toi. Et on s'est penché, en fait, sur les tendances santé que 2018 devrait avoir. Donc, on va les voir au niveau du sport, au niveau de l'activité physique, au niveau de la recherche aussi et au niveau de la nutrition. Parce que vous le savez, on a parlé aussi un petit peu plus tôt cette saison d'alimentation. Mm-hmm. Ça va être quoi les nouvelles tendances culinaires? Eh bien là, vous allez voir, je vais vous amener vers peut-être une autre place, à savoir qu'est-ce qui va amener notre alimentation d'une façon différente en 2018. Donc, on commence tout ça avec l'activité physique. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi les tendances sur le plan du sport, sur le plan de la relaxation? Eh bien, le premier, c'est les entraînements par intervalle. 2018, là, c'est vraiment l'année au Québec et au Canada où l'entraînement par intervalle, ça fait fureur. Donc, l'entraînement par intervalle, c'est pas super vague. C'est une tendance qui est bien installée. C'est connu de plusieurs Américains, je vous dirais. C'est très, très fort depuis quelques années déjà là-bas. C'est très connu aussi dans les gyms. Donc, c'est un cardiologue qui est M. Martin Junot, qui est directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui dit que ça va vraiment être une tendance en 2018 au niveau du Québec. Les gens manquent de temps, en fait. Ouais. On manque d'intérêt aussi. De motivation. Exactement. L'entraînement par intervalle, c'est 3 entraînements de 10 minutes. Donc, ça se fait super rapidement. 3 entraînements de 10 minutes, par exemple, de vélo par semaine. On va inclure 3 sprints de 20 secondes. Tu sais, on va vraiment y aller en intervalle rapide, haute intensité. Et il existe des entraînements par intervalle où tu fais toutes tes séries, tout ce que tu as besoin de faire, toutes tes sets. Et en dedans de 12 minutes, tu as terminé. C'est ça, tu clenches. C'est super épuisant. C'est super épuisant. Je tiens à vous le dire. Vous n'êtes pas habitué à l'entraînement. Comment c'est plus intense? Il y a des gens qui, dès leur premier entraînement par intervalle, sont malades. Okay. Non, pas meurent, mais sont malades. C'est parce que vous poussez votre corps vraiment à une nouvelle capacité. Vous allez l'amener à une autre place. Donc, faites attention de ce côté-là, surtout si vous êtes cardiaque à la base. Ben vous avez, oui. On s'entend. Consultez votre médecin avant de vous lancer dans l'entraînement par intervalle. Sauf que s'il y a une chose qui est bénéfique dans tout ça, c'est que vous allez voir des changements extrêmement rapidement. Parce que vous demandez vraiment beaucoup à votre corps dans un laps de temps qui est très petit. Entre autres, quand on pense aux entraînements de basketball, on dit souvent que les joueurs de basketball vont s'entraîner en faisant des suicides, ce qui est par exemple de courir à une ligne, revenir à l'autre ligne, retourner à l'autre ligne qui est un peu plus loin, revenir par la suite. Un entraînement par intervalle, c'est un petit peu la même chose que vous allez demander à votre corps. Ça ressemble aussi beaucoup à la capacité de puissance qu'un joueur de hockey pourrait donner, par exemple, sur un entraînement. Donc, ça va être quelque chose qui est très, très, très, très vite, très, très, très demandant, mais qui est très enrichissant, ouais. Et très énergique en passant. Au niveau de l'énergie, vous allez gagner beaucoup. Il y a des études qui ont été publiées il y a quelques mois déjà par une équipe de chercheurs montréalais qui conclut en fait que l'exercice intense par intervalle, ça peut préserver en grande partie le métabolisme des effets néfastes d'un régime de restauration rapide. Donc, wow. Si vous êtes du style à tout le temps rester sur votre sofa, vous vous dites, OK, je vais faire, par exemple, 2 entraînements par intervalle par semaine. Et déjà, à la base, vous allez voir un changement dans votre activité physique, dans votre énergie. Donc, de ce côté-là, 2018, entraînement par intervalle. Sinon, le yoga. Mais le yoga, en 2017, c'était quand même déjà bien installé. Ouais. Les gens, en fait, sont tannés d'entendre parler du yoga en 2018. malheureusement. On mais pense ça pas que... C'est ça. C'est pas fini. Je suis désolée, on n'a pas fini d'en entendre parler. L'image du yoga, ça se modernise beaucoup. Ça accueille quand même un nombre croissant de participants aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent au yoga. Il y a des gens, des sportifs d'ailleurs, qui cherchent une espèce de complément à leur sport. Au niveau de la flexibilité, le yoga, c'est excellent. Donc, on va vraiment aller chercher des choses différentes au niveau de l'entraînement, au niveau de l'activité physique en 2018. Et, par exemple, le yoga nidra, ce qu'on appelle le yoga du sommeil, ça devrait, selon certains chercheurs, faire connaître en 2018. Donc, on va en voir de plus en plus. On le sait, il y a tout le temps eu plusieurs formes de yoga. Tu choisissais celle que tu voulais. Tu disais, bon, faire le serpent, faire la montagne, peu importe. Mais là, le yoga du sommeil, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez probablement entendre parler de tout ça en 2018. Et quand on ouvre, par exemple, un cours de tai chi, bien, on y va vraiment au niveau cardiovasculaire, au niveau de la flexibilité. Donc, c'est ça que les gens vont aller chercher selon les tendances en 2018. Sinon, on va y aller, par exemple, avec les applications de relaxation. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on a vu quand même faire son entrée en 2017. Les gens cherchent vraiment... Le mindfulness, vraiment, là. Le mindfulness, le bien-être, tout ça, la méditation. Tu sais, ça fait quand même quelques années qu'on voit des gens décider de se mettre à la méditation. Mais les applications de relaxation, c'est en hausse depuis les 10 dernières ouais. années. Apple a même déclaré une application de méditation comme numéro 1 des meilleures applications de 2017. Exactement. Et au Québec, on voit, là, de façon assez considérable que ça monte tranquillement en popularité. Donc, il y a des cours de méditation, par exemple, un petit peu partout. dans vos, par exemple, dans des gyms. Maintenant, on va donner des cours de relaxation. Si vous avez un centre d'activité physique qui est peut-être pas nécessairement un gym, comme je pense entre autres au centre sportif Alphonse Desjardins, là, bien, il y a des cours qui se donnent comme ça. Encore une fois, les applications mobiles, ça aide en fait à méditer. Ça aide aussi à la pratique, la cohérence cardiaque, prendre un petit peu conscience de à quelle vitesse on vit nos vies. Donc, quand tu médites, en fait, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas te concentrer aussi sur le battement de ton cœur. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va réaliser parfois qu'on va trop vite, qu'on en demande trop au niveau cardiaque à notre corps. Donc, on a fait remarquer, selon les recherches, qu'il y a de nombreux patients et employés des hôpitaux qui téléchargent les applications sur leur téléphone mobile de méditation. C'est un petit gadget. C'est bien, c'est facile, c'est à portée de main. Et quand tu es en pause, tu peux avoir le temps de méditer avec ton application. Donc, des emplois qui sont quand même assez stressants. On voit de plus en plus les gens télécharger des applications de relaxation. Celle que j'ai dit tantôt, qu'Apple a déclaré numéro 1 de l'année, c'est Calm. C-A-L-M, si ça vous intéresse, allez voir ça. En effet, on voit aussi une augmentation croissante d'engouement pour les activités extrêmes. Quand on parle d'activité extrême, en fait, on parle un petit peu, tu sais, style cross-country, crossfit, ce genre de choses-là. Les courses en sentier, par exemple, de 100, 160 km, 80 km, c'est énorme. En 2017, en fait, les courses de plus de 40 km au Québec, ça a accueilli plus de 1600 participants. C'est deux fois plus qu'en 2015. Donc, les gens ont peut-être un petit peu plus conscience là, que l'activité physique, ça s'en vient de plus en plus important. Ça l'a toujours été, mais là, on en prend vraiment conscience. De ce côté-là, si on en fait une passion, ça devient quelque chose de quand même assez facile à pratiquer. Même chose pour l'entraînement. C'est vraiment ce qu'on va voir en 2018. C'est la passion qui va ressortir de tout, en fait, pour le bien-être de la personne. Si on regarde du côté des recherches, si on regarde du côté des traitements au niveau de la santé en 2018, ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui va attirer notre attention en matière de traitement, en matière de recherche au niveau de la médecine santé? Eh bien, on va y aller avec la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, on parlait l'autre jour de médecin de famille, tout ce qui n'avait pas été atteint encore en 2017. Bien, en 2018, ça va être appliqué. On a un intérêt énorme, en fait, pour les chercheurs qui portent sur... Qui ont un petit peu la tâche difficile, on va se le dire. Souvent, les chercheurs, les gens en laboratoire, ce sont eux qui font une grosse partie du travail. Et on les met peut-être souvent un petit peu plus de côté. On va prôner les médecins, on va prôner tout ça. Mais il y a quand même des gens dans les laboratoires qui se donnent corps et âme, eux aussi, pour la recherche et les traitements, d'ailleurs. Donc, le principe, c'est d'utiliser la génétique pour individualiser les interventions et la réponse des individus aux médicaments. Qu'est-ce qu'on va dire par là? Et on va parler, entre autres, de sensibilité aux anticoagulants. On va parler de risque d'arythmie, d'antihistaminique. Donc, on va prendre conscience. On va avoir ce petit lien-là là, qui est un petit peu plus familier avec notre médecin pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de notre dossier médical. C'est quoi nos petits problèmes? On devrait voir la médecine personnalisée à ce point-là qui va vraiment ressortir. Donc, nos médecins qui vont peut-être passer un petit peu plus de temps avec nous si le service du gouvernement nous le permet, bien évidemment. Donc, on pourrait aussi appliquer tout ça au métabolisme. Donc, par exemple, est-ce qu'une personne va avoir avantage à répondre à tel régime alimentaire ou à tel régime, tel type d'entraînement physique? Comment est-ce qu'on va y aller? Ce sont toutes ces choses qui, du côté des recherches, du côté des traitements, ça va vraiment ressortir. Et dans les études scientifiques, on a des données qui sont quand même assez moyennes présentement, mais on se rend compte qu'en 2017, ça a été demandé de plus en plus, ça. D'avoir de la médecine qui va être personnalisée, de la médecine qui va être vraiment là, à jour sur qu'est-ce qui se passe dans nos vies. On va peut-être même écouter un petit peu plus le niveau de stress des gens qui vont être les patients au niveau de la médecine. Donc, ça reste à voir, bien évidemment. Les médecins vont t'appeler big. peut-être, en effet. On va voir aussi les habitudes de vie en prévention. Au niveau de la recherche, au niveau des traitements, les maladies chroniques, est-ce que c'est irréversible selon certaines personnes? Donc, on a des études qui mettent en doute certaines croyances. On va essayer encore une fois de remettre certaines études en doute. On va essayer de voir les croyances de ces études-là. Et il y a des études récentes qui ont été publiées, par exemple, dans The Lancet, qui est un magazine américain, qui montrent qu'un changement important des habitudes de vie chez les personnes diabétiques, bien, ça va permettre d'atteindre, par exemple, une rémission qui va être complète de la maladie. Donc, on va avoir un petit peu plus conscience à ce niveau-là, même si on a déjà quelque chose, même si on a déjà une petite maladie chronique, de se demander, est-ce que je peux pas faire quelque chose de plus pour arriver à mon bien-être personnel? Encore une fois, ça revient à ça. On va voir beaucoup, les habitudes de vie quant au cancer, donc le nombre croissant d'études qui montrent qu'il y a un changement des habitudes de vie chez les personnes qui sont atteintes de cancer, bien, ça permet de réduire le risque de récidive. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment tout le temps dans l'option d'être en bien-être avec soi-même. Surtout pour le sport, il y a des études qui montrent que c'est bon pour le cancer du sein, c'est bon pour le cancer du côlon, comme quoi on peut diminuer de 30 à 40 % les récidives. Donc, de ce côté-là, ça va faire encore une fois partie de la médecine qui va être personnalisée, mais on va y aller vraiment avec les habitudes de vie. On va prôner ça au lieu de peut-être faire un petit peu moins de place à tout ce qui est médicaments. On va vraiment essayer de faire une différence par l'habitude de vie des gens au niveau de la santé. Au niveau de l'alimentation, bien, on va essayer d'y aller avec moins d'hyper-transformation. Ça, on en avait déjà un petit peu discuté, mais 2018, c'est vraiment la ligne directrice du Guide alimentaire canadien qui va changer, soit dit en passant. Okay. Restez à l'affût, ça s'en vient. Tu vas sûrement en parler rendu là. Probablement, mais je te dirais que le Guide alimentaire canadien n'a pas changé des milliers de fois depuis son invention. Si je me souviens bien, ça l'a changé 4 fois. Hein? Et le Guide alimentaire canadien a quand même au-dessus d'une quarantaine d'années. Mmh. Si on regarde ce qu'on mange, si on regarde l'importance de changer le Guide alimentaire canadien, c'est quand même assez extrême. Le premier Guide alimentaire canadien, en fait, est sorti durant la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Quand que nous, on devait, messieurs du Québec, messieurs du Canada, se rendre à la guerre. Donc, ça a été fait à la base pour des gens qui avaient besoin de plus d'énergie, de plus de forme physique, parce que les Canadiens étaient trop petits pour la guerre. OK? Donc, de ce côté-là, on se rend compte que peut-être que notre alimentation a changé, peut-être que nos besoins aussi en alimentation sont complètement différents de ce qu'on connaît du Guide alimentaire canadien. Alors, on revoit ça présentement au niveau du Canada. On s'attend à ce que le guide va insister, en fait, sur l'importance de diminuer la consommation de produits hyper transformés. C'est la base un petit peu de la nouvelle philosophie là, de pas mal tout le monde qui s'intéresse à la nourriture et à l'alimentation, je vous dirais. Donc, moins d'aliments transformés. Et par aliments transformés, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire tout ce qui est fait par usine. Mmh. Donc, tout ce qui est facilement faisable à la maison, mais vous le faites pas, vous l'achetez en épicerie. Donc, par exemple, des bartendes, par exemple, votre Nutella. Je suis désolée, c'est hyper désolée, transformé. Oui. Donc, automatiquement, plus de cuisine à la maison, plus de choix sur les aliments aussi, le choix qui va être important, les légumes, tout ce qui va être local, on l'a déjà dit. Donc, l'étiquette, en fait, qui est un peu indispensable, là, qui est associée aux produits laitiers, bien, on va peut-être commencer à délaisser ça, en fait, dans le nouveau guide alimentaire canadien. On va peut-être voir plus des substituts, donc les aliments, le lait d'amande, le lait de coco, parce qu'on le sait, le lait de vache, c'est pas bon, finalement. On nous dit depuis des années et des années que c'est la meilleure chose, mais là, on se rend compte que, vous comprenez un peu, ouais, le principe, ça va changer le guide alimentaire canadien pas mal. Mmh. En effet, l'autre jour, on a discuté du régime végétalien. Je pense pas que je vais repasser au travers, là. C'est quand même sensiblement la même chose. On va y aller vraiment là, pour moins de viande. Certains vont dire qu'ils sont... comment qu'ils disent ça? Flexivégé. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont manger de la viande une fois semaine. On va essayer de... Mais c'est juste... De être réduire. Omnivore. Non, mais c'est juste être normal. T'as pas besoin de... C'est pas flexivégé, c'est juste que, en fait, dans le temps où les premiers guides alimentaires canadiens sont sortis, c'était de la viande à tous les jours. Ah, okay. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère pouvait cuisiner de la viande 5 fois semaine. C'était pas une problématique, ouais, là. Tu sais, c'était quelque chose qui était connu. Puis je pense que la plupart des gens ont connu cette ère-là aussi de la viande rouge, c'est important pour toi, blablabla. Bla, bla. Même chose pour le poulet. Donc là, de ce côté-ci, on va y aller vraiment là, en réduction de l'apport en viande rouge et on va vraiment prôner tout ce qui est low carb, donc pauvre en glucides. Ça va être des choses qui vont être prisées par les gens, qui avant c'était prisé beaucoup par les athlètes. Mais là maintenant, on va le voir de plus en plus arriver dans nos assiettes. On va prôner aussi le poisson, les petits fruits, le chou. En 2018, sachez, c'est le temps d'aller chercher du chou. ça va agrémenter votre alimentation, apparemment. Sinon, je suis quand même restée surprise sur la dernière tendance à laquelle je vous amène avant de terminer ma chronique. Je vais la nommer, mais je suis vraiment pas certaine que je vais l'appliquer moi-même. T'es en sceptique? 2018. Je suis vraiment très sceptique. En fait, on parle du jeûne. Ah. En Europe, le jeûne, ça l'a toujours été pratiqué, mais on a un intérêt que au niveau de l'Europe, là, les Européens portent grandement vers le jeûne. Tu parles d'arrêter de manger, mettons, après le souper et de pas manger du tout jusqu'à, je pense, 16 heures de distance entre les deux, 12 heures, je sais pas trop quoi, avant le prochain repas, c'est ça? Ben écoute... C'est pas de pas manger pendant la journée du tout. Ben non, c'est ça. On parle de recherches qui portent sur la physiologie du jeûne. Ça a été fait pendant les années 30, pendant les années 40, pendant les années 50, puis par la suite, ça a été abandonné. Présentement, les chercheurs se concentrent en fait à retrouver les vieilles études et refont ces études-là. Donc, on commence à un petit peu se reposer la question au niveau de l'Europe. Et il y a quelques 4000 études qui sont en cours présentement. Le jeûne s'est associé en fait à une amélioration de la santé cardiovasculaire et à une amélioration des performances cognitives, apparemment. Ouais. Donc, de plus en plus de patients parlent de ça à leur médecin. Il y en a qui veulent vraiment pas encourager ça. Parce que la recherche n'est pas encore au point et ça me surprend justement que ça soit une tendance en 2018 très de dire qu'ici au Québec, on va prôner le jeûne. Je suis vraiment pas certaine. Veux-tu vraiment jeûner à ce temps-ci de l'année, toi? Ben c'est ça. L'application qui est belle à la mode en ce moment s'appelle Zero. T'as deux types qui sont mentionnés. Il y en a une que c'est par Hugh Jackman qui est très, qui est très fervent de ça et Dwayne The Rock Johnson aussi. Donc c'est pour perdre du poids, disent-ils. C'est donc un jeûne intermittent de 16 heures. Donc c'est pas mal ce que j'avais dit tantôt, c'est qu'entre le souper et le lendemain, tu passes 16 heures à pas manger. Donc c'est un des types communs en ce moment. Mais 16 heures, c'est quand même assez énorme. Ben calcule, mettons, si tu manges à 18 heures, mettons, parce que c'est divisible en 6. Donc 18 à minuit, ça fait 6 heures. Jusqu'à 6 heures, ça fait 12 heures. Après ça, donc, t'as 4 heures de plus, 7, 8, 9, 10. Donc, pas manger entre 18h et 10h du matin, pas mal ça que je fais, moi. Ben, c'est faisable. C'est ça, exactement. Ouais, ben, moi, j'aurais de la difficulté parce que je suis difficile à me lever à 4h45 le matin et manger à 5h. Ouais, c'est ça. Fait que, mais bon. C'est 16h, c'est intermittent. Ça veut pas dire qu'entre 10h et le prochain repas, tu dois attendre aussi. Je pense que c'est juste une fois par jour, ouais, à 16h. Oui, c'est ça. Ben, j'espère. J'espère, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a comme juste 24h dans la journée, à ce qui paraît. Exactement. Et je tiens à vous dire que oui, c'est une tendance 2018, mais ça veut pas dire que vous devez la prôner incroyablement tout de suite. Non, il faut parler au médecin tout le temps avant de faire ça. C'est ça, exactement. L'autre méthode, c'est avec le rythme du sommeil, le rythme circadien, basé sur la recherche du scientifique Dr. Sachin Panda. Les participants donc, commencent à jeûner le plus près possible du coucher de soleil pendant au moins 13 heures par jour. Exactement. C'est les deux modèles qui sont à la mode en ce moment. C'est un petit peu, en fait, la même idée que le ramadan, mais à l'inverse, je vous dirais. C'est une méthode qui est très connue pour ceux qui connaissent le ramadan, de le faire à l'inverse ici, en Occident, peut-être. Mais encore une fois, moi, je suis vraiment sceptique par rapport à ça. Je pense que je me mangerais de l'intérieur. Fait que... Ouais, c'est ça. T'as besoin d'un petit snack. Je suis pas certaine de vouloir prôner le jeûne, là. Je pense que j'aime trop le beurre de pin pour ça. Ah, miam. Favoriser en fait les petites collations santé, hein? Peut-être que ça va faire la même chose. Les petites carottes. Exactement. Mais ce sont les tendances niveau santé pour votre prochaine année. Sachez-le, peut-être pour certains, mettez-le à l'application, mettez-les à l'application. Mais encore une fois, consultez votre médecin ou votre professionnel de la santé avant toute chose. Et en fait, 2018, c'est un petit peu de pousser nos limites dans notre bien-être. C'est cool, ça. Ouais. Ouais, j'aime bien. Moi aussi. Continue sur cette lancée-là de la santé, c'est le fun. Merveilleux. Ouais. Donc, Tania is gonna entertain ya. Nous ne sommes pas seuls. Ben non. On a accueilli Sébastien Viertin tantôt et là, il est là pour nous parler de choses. De choses. Donc, voici son bulletin Viertin. Sébastien F. Gartin, Bulletin Gartin. Chaque semaine, on parle d'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde. Et parler de choses, j'espère que ça ne veut pas dire qu'on parle de partie de l'anatomie, là, parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps avec notre ami Jimmy Thibodeau à en parler. Pourquoi ça te gêne-tu? Non! Non! Mais... Faudrait refaire toute la... Non, on reprend prise 2. Prise 2. Mais non, vous êtes deux personnes très indépendantes et très différentes, donc j'imagine que vous n'êtes pas tombées sur le même sujet une deuxième fois. Peut-être. Et non. OK. Ça devrait pas. Ben, c'est corollairement, en fait, peut-être un peu, mais de manière très, très... Vague. Large. Flou. Ça va être dans le même champ lexical, mettons. Mais ouais. Donc, des mots en commun. Comme des articles, l'apostrophe. Oui. D'ailleurs, on salue Jimmy Thibodeau. Heidegger, c'est un nazi. Il dit souvent, hein? Oui, il dit tout. Il est obsédé par ça, je pense. En fait, là, ça, je dois dire, je vais me prendre un peu de mérite là-dessus, c'est que c'est une chicane qu'on a en philo depuis plusieurs années. Puis moi, j'aime ça faire... On a un groupe Facebook de philo, dans le fond, puis où on a des débats parfois éclairants, parfois qu'on écrit dessus à 3h du matin un peu en revenant du bar. Ouais. Après les jello shots. C'est un running gag que Jimmy Thibodeau est quelqu'un de très, très sûr de ses idées, on va dire ça de même. Quand même, ouais. Puis il est en croisade contre Heidegger. Puis moi, j'aime ça troller un peu dans ces choses-là. Même quand ça n'a rien à voir avec le sujet. Puis moi, j'aime ça troller un peu. Fait que toutes les fois que ça parle le moindrement de quelque chose qui touche de près ou de loin de gars, je tag Jimmy puis je dis ah, t'es un nazi lui. De gars, t'es un nazi. on va dire que Sébastien quand il stick sur quelque chose sur Facebook, on le voit souvent passer. Oui, et c'est drôle. C'est ça. Moi je suis le king des running. Moi je me tanne pas de jokes. C'est ça. Fait que moi c'est les running gags qui arrêtent pas. Pour ceux qui connaissent Chloé Rousseau là, DJ Transcendance. C'était mon exemple, elle c'est la DJ à la huître la Ligue d'impro. C'est ça. Ben Chloé met souvent des photos de sa face sur Facebook. Fait que moi ce que j'aime bien faire c'est y écrire "Hey, c'est ta face sur Facebook." Ta face en majuscule parce que c'est drôle. Bref, c'est rendu là encore un running gag. Elle change sa photo juste pour ça, je pense. Je pense que ça fait 3 ans que je fais cette joke. Colin, quand je le fais pas, quelqu'un il y a vraiment du monde qui vient de m'écrire sur Facebook, c'est de nos amis communs qui disent "Hey, Chloé a changé sa photo de profil. Chloé a mis un selfie. Pourquoi t'as pas écrit ta face? Come on. OK, il m'a allé l'écrire. C'est beau. Bref, ça commence. Mais en fait, c'est une chronique sur un sujet que je touche un peu moins d'habitude, mais ça va être une chronique un peu sur les internets. Oh! Parce que, ben, écoutez, maintenant, il faut bien être un homme de son époque. C'est ouais, ça? Ouais, hein? En effet. Fait que, hein, on vit en 2019. On n'a pas dit l'époque de maintenant. Non, c'est ça. Le monde de maintenant. Une chose, c'est parce que plus. Bon, l'actualité qui m'intéresse habituellement, tu sais, la politique, ces affaires, il faudrait que c'est plate dans cet institut. C'est vrai, ouais, c'est pas, il ne passe pas grand-chose. Non, vite. Je suis en train de me demander si Trump n'est pas en train de nous désensibiliser à des affaires, mais on dirait que quand il ne fait pas de déclaration incendiaire contre la Corée du Nord, quoi, on dirait qu'on est comme bon. Ouais, mais c'est pas ça. Parce qu'il travaille vraiment fort. Avec son téléphone, son bureau complètement vide et sa casquette blanche Make America Great Again. T'oublies ses terrains de golf? T'sais, c'est ça, on le voit c'est tout ça, le temps. Écoute, il travaille ses terrains de golf, c'est très réel. C'est lui qui fait le gazon. Hey, ça, son drive. Dans son car de golf, il se fait conduire. Il drive. Ouais, il se fait driver. Il est trop paresseux pour même marcher sur son terrain de golf. Y'a-t-il quelqu'un qui marche au golf? Ok, t'as raison. Ben, ça dépend, là. Sur celle-là, je vais lui donner. Là. Je pense qu'il n'y a pas grand gens qui marchent au golf. Ben, mais lui, il marche particulièrement pas. Je sais pas, non. Pas mais je pense que ça dépend de où tu vas jouer au golf. Tu sais, mettons, tu viens jouer au golf à Trois-Rivières. Là, probablement que tu peux faire tous les 18 trous. Lui, prend son cart pour jouer au mini-golf. Mais non, il y a quand même une certaine frange des amateurs de golf qui marchent entre les trous. C'est parce que c'est l'activité, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça parler aux gens. C'est ça le but un peu. Mais c'est ça que aussi. T'es supposé faire en jouant au golf en tant que président américain. Savez-vous à quoi, tu sais, il y a la notion des caddies, là. Ouais. Ça sert à ce que un caddie, ça sert à ce que, entre autres, à tirer le sac pesant pendant que le monsieur qui joue, le gentleman qui joue au golf, ne se fait pas chier. Exactement. Pour revenir à ce que je disais, je vais parler des internets, en fait. Je vais parler de l'outrage marketing. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est à cause, je vais dédier cette chronique à Logan Paul, qui a pas besoin qu'on lui dise quoi. Mais quand même, d'accord. Vous me voyez venir un peu. Vedette du YouTube. Vedette de la YouTube. Ouais. C'est ça, ben Logan Paul, en fait, avec son frère Jake, c'est des épais adolescents américains. Hein? Ouais, bon. C'est ça. Bon, adolescents de 22 ans, mais quand même. Ouais, ils jouent des adolescents à TV. Ah, ils jouent des adolescents de 14 ans. C'est ça. Pas rien qu'à TV, sur YouTube aussi. Aussi. Jake était connu avant Logan, si je me souviens bien, non? Ben, je sais pas dans le timing, mais Jake jouait dans une série Disney, donc c'est j'imagine ça. Peut-être. Hein. Tandis que Logan n'a jamais joué à la télévision. Ouais, c'est que maintenant, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Là, il y a ses propres films. Là, oui. Oui. Sponsorisé par YouTube, c'est en ça. Fait. Ils sont suspendus pour le moment. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, ça, on va en parler un peu rapidement de ça, mais moi, c'est pas la nouvelle YouTube qui m'intéresse, que plutôt l'effet de société. Ah oui. Bon, premièrement, ben, Jake Paul, en fait, avait sa maison de débauche pendant longtemps. D'ailleurs, moi, je n'entends plus vraiment parler de ça, mais c'est qu'il avait sa maison en Californie. Un bordel. Où constamment il se passait des niaiseries. C'était vraiment. Tu sais, on est entre vingtenaires un peu plus vieux, là. Mm-hmm. Vous vous rappelez de Jackass? Oui. Bon, ça ressemble un peu à ça. Les kids connaissent pas ça. Ça ressemble un peu à ça, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. C'était c'était constamment des pranks entre eux autres. Ils filmaient un peu tout. C'était comme du vlogging live tout le temps. Et il y avait des voisins qui se plaignaient tout le temps. C'est ça. Puis entre autres, le fait que... Il y avait beaucoup de fans. Le Jake Paul, pendant longtemps, a été un des YouTubers. En fait, présentement, c'est Logan Paul qui est un de ceux qui a le plus de visionnement. C'est peut-être Logan, finalement, qui faisait ça. Non, c'est Jake. C'était Jake à la maison. Hein, c'est ça, Logan est plus jeune que Jake, si je me souviens bien. Mais sûrement qu'ils habitaient ensemble, proches. C'est ça. Oui, Logan était là-dedans. C'est ça qu'il l'a fait connaître, en fait. Ouais. C'était assez niaiseux, puis il a fait son propre channel après. C'était un dérivé. C'est les fameux petits Vice, là, avant les vlogs. Voilà. C'est ça, c'était des Vice, eux autres, à l'origine. C'est le même qui ont été connus. Puis quand Vice est comme décédé. Tu parlais de Vine. Vine. Ouais, Vine. Vice était une chaîne. Le groupe médiatique que Rogers a tassé. Exactement, c'est Vine. Que Rogers a bouffé, en fait. Ça existe encore, mais. Oui, mais ils sont plus associés ensemble. C'est ça. Mais ils n'ont pas bouffé Vice en passant, juste pour corriger. Ok, non, Vice okay, existe encore, oui. Parce que c'est encore, leurs vidéos sont encore sponsorisées par Fido. Ouais. Bref. C'est un autre sujet. Ça, c'est une parenthèse inintéressante. Ouais, parenthèse inintéressante, c'est ça. Je me pratique pour quand je vais être prof au CV. c'est ça. Donc, la fameuse maison de Jake Paul, où ça bordel constamment, les voisins se plaignaient, ainsi de suite. Ça a fait baisser la valeur des propriétés autour parce que là, les voisins essayaient de vendre. Là, le monde était comme, ouais, mais j'ai pas le goût d'aller habiter à ça. Puis en plus, ils se retrouvaient. En fait, il y avait plein de fans qui venaient. Lui, il cachait pas du tout c'était où ça se passait. Fait qu'il venait, qu'il se pointait en avant de la maison, puis qu'il espérait voir de quoi, qu'il espérait voir une boule de feu sortir de la cour, des choses comme ça. Et des fois, il y en avait, tu sais. Ça arrivait. Je veux dire, la police se pointait là. La Jake Police, qu'il appelait. Non, ouais, c'est ça. Non, sûrement pas. Le pire, c'est que c'est clair que ça a été utilisé. Probablement, ouais. C'est ça, puis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tu sais. Je veux dire, il est millionnaire, là. Il va la payer l'amende. Il va la payer l'amende, il se fait bail out, ça finit là. C'est exactement. Ça. Donc, c'est ça. C'était déjà quelque chose. Puis c'est que à chaque fois qu'il se faisait critiquer pour quelque chose, ben il y avait une armée de fans qui venaient à sa défense. Puis ça faisait juste faire parler de lui et lui faire gagner plus de subscribers sur YouTube, ce qui est en gros, ce qui directement a un impact direct sur son revenu. Absolument, et son énorme revenu. C'est ça, parce que c'est à coup de millions. Ouais. Les pubs là-dessus, puis tout. Puis ça ramène de l'argent à YouTube en tabarouette. Ben oui, c'est ça. Les pubs. C'est une vache à lait. Une vache à lait. Hein? Comme Dolly. Comme Dolly Parton. Ouais, moi je parlais plus du mouton, mais. Nous on parlait de la vie directe. C'est un mouton à lait. Bref, anyway. Bref, blague de vache à lait, blague de vache à lait. Je closais hier soir au magasin, je suis comme. Pas dormi longtemps cette nuit. C'est ça. Puis là, pourquoi je disais, je te dédie à Logan Paul? Bon, le petit frère de ce cycle-là. Logan Paul, c'est bien faire des vidéos lui aussi. Il a sa chaîne YouTube. Il y a des émissions. Il y avait des films sur YouTube Red. Red étant le service payant de YouTube que personne n'a au Canada. Au Canada, je pense que c'est même pas disponible. Non, c'est pas disponible. Tu peux même pas t'y inscrire. Même pas. Ouais, t'es obligé de torrenter, c'est plate. C'est plate. De toute façon. Oui, inintéressant ça. Il n'y a rien de bon anyway dessus à date. Là. C'est ça, c'est pour les 14 ans et moins. Il n'y a rien pense, qui m'a fait faire. Ah oui, ok, oui, je vais le torrenter. Mais c'est ça. C'est ça, Logan Paul. Pourquoi on parle de lui présentement? Puis c'est ça qui m'a donné l'idée un peu de la chronique, c'est que Logan Paul, a fait un voyage au Japon. Mm-hmm. Premièrement, à travers du voyage, a fait plein de... Bon, ben ça, c'est du Logan Paul habituel. Il fait plein de shenanigans. De manque de respect, des mésaventures. Ouais, c'est ça. Ben, de niaiseries. Il fait des niaiseries. Il s'est fait accuser d'être raciste parce que, ben, il faisait des niaiseries. Il riait du fait que le monde parlait japonais. Il se déguisait pas ce qu'il littéralement. Il se déguisait en japonais. Puis, oh, en tout cas, là, c'était ça, c'est de la grosse imbécilité. Il y en a qui ont dit qu'il était raciste. Moi, c'est comme, ben, il serait allé ailleurs, il aurait fait la même affaire avec. T'es pas contre les Japonais en particulier, il est juste pas brillant. Il est juste con. Bon, c'est il juste con. Il serait pas allé aux États-Unis lancer du poulet frit des frites. Là. Non, c'est ça. Mais bon. T'as encore d'autres. Peut-être. Je suis pas sûr que ça s'est déjà fait chez son frère. S'il avait lancé des melons d'eau à des noirs, mettons, juste ça, ça aurait été le genre, ça aurait été le genre à se pointer au en Pennsylvanie déguisé en Quaker. Ouais, j'avoue. Il va faire le même. Il aurait très bien pu faire ça. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais ce qui a été le clou et le début de la fin, mais en fait, ça n'a pas été très. Là, on prend l'expression dans le sens large parce qu'en fait. C'est la controverse qu'on a présentement. Plus de subscribers qu'avant. C'est que au Japon, dans la ville où ce qui a été, il y a une forêt qui est, dans le fond, qui est où ce que les gens vont se suicider. Mm-hmm. Parce qu'au Japon, ils ont un gros problème de suicide. Il y a beaucoup de suicides au qui Japon. Qui est surnommée la forêt du suicide. C'est ça. Les gens vont se pendre, là. C'est des centaines par année. Il y a plusieurs centaines de suicides par année. En fait, ils calculaient que tu as une chance. Je pense que tu as une chance sur deux. Il y a un suicide aux deux jours, un truc comme ça, dans cette forêt-là. C'est assez sérieux. Ouais. Il y a des YouTubers qui sont allés faire un tour là. Parce que ben, la forêt, évidemment, forêt du suicide, elle a la réputation d'être hantée puis envoyée par là. Mm-hmm. Donc, qui allait camper là-dedans puis tout, mais ça se faisait dans un certain respect. Logan Paul arrive là et puis là, bon, arrive là, voit quelqu'un qui s'est récemment suicidé, récemment en question d'heure, là, qui est décédé, pendu à un arbre, puis lui, ben, il a filmé ça, il a filmé sa réaction, tout le kit, il l'a mis sur YouTube, il a mis sur la vidéo, il a mis un avertissement au début comme quoi est-ce qu'on allait voir de quoi. L'affaire, c'est qu'on sait très bien que ben, premièrement, il vend le vidéo en disant « Hey, c'est un exclusif, ça s'est jamais fait encore, hey! » Puis, est-ce que c'est ceux-là qui a démonétisé pour pas faire d'argent dessus ou c'est sa vidéo d'excuse qui a pas monétisé? C'est sa vidéo d'excuse. Fait que celle avait le... Fait qu'il a fait du... Ouais, puis c'est une des choses qu'il y a par rapport à ça, c'est que, bon, OK, oui, il a donné un avertissement au début de « On voit un cadavre. » Tu sais, le réel, là, c'est pas une poupée. Puis, mais ça reste que dans son le thumbnail, là, la petite image du c'est vidéo, la réaction, c'est la réaction avec on voit le corps en arrière. Fait que de toute façon, tu le vois pareil. Il y a pas de. C'est pas fort. T'sais, j'ai jamais remarqué le thumbnail, honnêtement. Moi non plus. J'avais vu sa face, mais j'avais pas vu le corps en arrière. Ah ouais. Wow. Mais c'est une des choses qui a été une critique de son affaire. C'est qu'ils disent, ben là, tu mets un avertissement, mais Colin, tu le mets dans le thumbnail, ça n'a pas d'allure. Là. Non. Puis c'est sûr qu'il a fait de la pub autour de ça. Après ça, il a fait une semi-excuse qui n'en était pas une. Moi, je m'excuse que vous soyez offensé. T'es un tout croche. Puis finalement, il a fait une vraie excuse où il braillait quasiment à la caméra, mais en même temps, on sait que c'est un bon acteur. C'est ça. Il pensait vraiment ou non. Et il braille peut-être parce qu'il va perdre l'argent. Mais en fait, de la crédibilité. Il en perd du temps que ça. Oui, il en perd du temps que ça. Parce que si t'étais intelligent, là, ton argent que t'as fait déjà, là, on nous place une partie. Peut-être. Parce qu'il y a une affaire aussi, on va se parler de. Puis là, il y a une affaire. Suite après qu'il ait fait sa vidéo de même, de un, ses fans, il disait c'est indéfendable, je veux pas que mes fans me défendent. Ouais. Tes fans l'ont défendu pareil. Ben oui. Puis pire que ça, dernièrement, c'est-à-dire en fin de semaine, je crois, ou vendredi, un truc comme ça. Non, c'était la semaine dernière, mais tard dans la semaine. Mi-janvier, son père a fait une vidéo lui-même, parce que lui aussi, il a son channel YouTube. Fait une vidéo pour dire que les haters vont être confondus et Shake it off. Les gens qui ont été outrés, c'est vraiment des haters de son fils. Des haters, ben, c'est du monde qui font juste pas l'aimer puis qui critiquent tout ce qu'il fait. Là. Mm-hmm. C'est ça l'idée. Fait que, c'est pas parce qu'il a fait de quoi de pas correct. C'est parce qu'il l'aime pas, son jaloux de son. De son succès. C'est ça, fait que là, ce que ça dit, c'est bon, OK, il va revenir. Ouais. Son frère, Jake, a fait une. Ben, je sais pas si c'est une vidéo ou s'il a pas juste écrit un message. Pour dire que, ben, que Logan a vraiment appris de ses erreurs et que ça le fait grandir en tant que personne, puis qu'il a vraiment compris que ça se faisait pas, puis le puis tout ça. Fait que bref, probablement qu'il va revenir d'ici quelques jours, probablement. Je sais pas, apprendre de ses erreurs. Je sais pas si YouTube va se permettre ça. Associer, ben, s'associer ouais. à ça. Ouais. YouTube ont été obligés de changer leur norme de qui devient partenaire. Qui devient partenaire, ouais. Comment que c'est, ils ont été obligés de changer beaucoup de choses parce que ce qui arrive, c'est qu'en même temps, oui, c'était payant pour la pub parce qu'ils pouvaient en placer, puis les pubs étaient payantes dans le sens que ça se faisait cliquer beaucoup, mais en même temps, il y avait beaucoup de gens qui payent pour de la pub sur YouTube qui avaient un malaise d'être mis sur ces vidéos-là. C'est sûr. Même avant cette vidéo-là en particulier, je veux dire, les niaiseries qu'ils faisaient, c'était. Je veux dire, ça faisait outrage souvent. Là encore, je disais en blague, tu sais, Trump nous a désensibilisé un peu à la politique. Logan Paul, puis Jake Paul, en fait, même beaucoup plus que Logan, encore plus que Logan Paul. Pis c'est con, je les mélange parce que les deux frères se ressemblent. Ouais, c'est pour ça, tantôt, je me trompe tout le temps entre les deux, en fait, lequel qui a fait quoi, parce que les deux se ressemblent, les deux font le même genre de niaiserie, en fait. Mm-hmm. Des genres de blondinets génériques américains. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, un peu Playboy. Ils ont la même coupe de cheveux, quand même. Ils s'habillent pareil. Ils ont la même coupe de cheveux que tous les gens qui les regardent. Ouais, c'est ça. Ils ont un peu la même gueule, en plus. Pour deux frères qui sont pas des frères jumeaux, ils ont vraiment la même. C'est impressionnant. Ils ont pas du même âge non plus. En fait, Jake semble être plus jeune. Ah oui? Ah ouais? Eh ben. Mais c'est Jake qui a pogné en premier, c'est ça. Jake a 21 ans, puis Logan a 22 ans. OK, bon, c'est des frères jumeaux d'une année de différence. Ils ont vraiment la même gueule. Ouais, c'est impressionnant. Clairement, ils ont les mêmes parents. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, tu sais, avoir la réaction du père, tu te demandes pas pourquoi est-ce qu'ils sont de même. Est-ce qu'il fait des pranks, le père? Je sais pas. J'en ai aucune idée. La seule affaire que je sais que je sais à propos du père, c'est les messages qu'il a fait pour. T'es vraiment à l'affût de l'information. Ça fait 20 heures que le vidéo de Jake Paul est sorti expliquant que son frère voulait pas faire ça méchamment. Crime. Station. Ben. J'ai aucun mérite. C'est des blogueurs qui parlaient de ça. Qui n'ont parlé quasiment de suite. Ça tombait à temps pour là quand leur vlog sortait. Puis j'écoutais ça tantôt en fait en me préparant. Fait que j'ai pas autant de mérite que ça. Big up à Philippe DeFranco. Big up! Mais c'est ça, puis bon, tu sais, je vous ai promis en début de chronique que je parlerais du outrage marketing. Oui, le mauvais buzz qui crée, dans le fond, la popularité. Vous suivez ce qui se passe, vous suivez son channel, tout le long du gros morceau de l'outrage par rapport à cette vidéo-là de Logan Paul, la journée même, ça l'a un petit peu fait ralentir. Puis il en a perdu quelques-uns. L'affaire, d'ailleurs, avec Logan Paul, là, c'est qu'on parle pas de nombre de clics ou de nombre de... Non, on parle de son nombre de nouveaux subscribers. Des personnes qui s'abonnent à son... On parle même pas de clics, parce que là, on est dans les chiffres millions, astronomiques. Là, ouais. Mais il y a des dizaines de mille toujours de nouvelles abonnés. À chaque jour? Ça l'a fait baisser en moyenne à chaque jour. Wow! Ça l'a fait baisser un peu dans ses stats, mais il est encore dans le positif en masse. Parce qu'il y avait du monde qui sont désabonnés, mais il y en a tellement qui sont abonnés de plus. Sérieusement, ça a recompensé. Si quelqu'un s'est désabonné pour ce qu'il a fait, je me demande pourquoi t'étais abonné à la base. À la base, Logan Paul, il était drôle. Okay. Moi, je l'ai connu parce qu'il faisait des vidéos drôles. J'ai vu une vidéo où il essayait, mettons, de faire passer quelqu'un aux douanes dans une valise, t'sais. C'est quelque des chose que tu dis. Là. Ouais, exactement. Okay. Tu le regardes et tu fais comme voir qu'il a réussi. Okay. Sauf que je t'ai jamais abonné à sa chaîne. Puis. Ça se fait vraiment fan, il me semble, pour s'abonner à une chaîne. En tout cas, moi, pour aller cliquer sur le bouton abonner. Exactement. Ouais, on s'entend, ça, il y a deux mentalités. Il y a faire ça, mais il y a l'autre côté aussi. Il y a le monde qui vont s'abonner à 40 millions d'affaires pour suivre toute l'actualité, tout ce qui est tout, puis qui passe 4 heures sur YouTube par jour. Okay. Ouais. Je passe du temps sur YouTube, mais pas 4 heures. Ah ben, j'ai pas 12 ans non plus. Fais d'autres choses. C'est ça. Écoute des podcasts. Le public cible de ces affaires-là, à base, c'est quand même les jeunes adolescents. Ouais, mettons, ouais. 12, 13, 14. Surtout ce genre de vidéos-là, je dirais. C'est ça, là, tu sais, des niaiseries comme ça que, tu sais. Tu veux en voir plus, donc tu t'abonnes à tout. Puis là, tu sais, c'est tout là autour, tu sais, pour en avoir regardé des bouts, tu sais, c'est que. Tu sais, je veux dire, il y a des canals du monde, mais c'est parce qu'ils s'énervent, là, tu sais. Ouais, ils sont c'est comme. Ça. C'est exactement ça, en plus. Mais je lisais un article qui disait qu'il avait comme perdu aux alentours de 150 000 abonnés, quelque chose comme ça, le jour où c'est sorti. Mais il en a gagné 350 000. Il a peut-être même récupéré des gens qui avaient quitté là, après peut-être, quelques jours, après son excuse. Ah, ben OK, je vais revenir. C'est ça, ben oui. Oui, surtout après la vidéo, justement, d'excuses. ça m'a... Puis moi, je parlais, tu sais, je disais l'outrage marketing, ça marche dans une chose comme ça, mais il y a eu un cas en Angleterre dernièrement, puis là encore, j'en dois une à Philippe DeFranco. C'est à cause de lui que j'ai pensé à ça. C'est ton idole, on va se dire. Philippe DeFranco, c'est celui qui me tient à jour sur les niaiseries de l'Internet. Il fait bien. Il fait bien, puis souvent, il est assez nuancé. Ouais, ouais. Il éditorialise de manière intelligente. Ouais. C'est pas rien que de l'opinionnage. Là. Il éditorialise pour vrai, puis... Il encourage la discussion aussi dans les commentaires. Il fait sa recherche, ça paraît. Oh, il fait sa recherche en tabarouette. Là, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Et comme Sébastien, mais tous les jours. Oui, ben lui, il gagne sa vie à faire ça. C'est hein. Ouais, c'est lui, ça. Est payé pour le faire. Beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était une histoire, en fait. Puis il y en a tellement de ça, mais c'est que moi, c'est la réaction de ça que j'ai trouvé. C'est bon, je vais y venir, je vais en parler. C'est, dans le fond, une auberge. En Angleterre, okay. Qui, auberge et pub, qui s'est fait demander par une. Il a reçu, dans le fond, le gérant de la place a reçu un courriel d'une influenceuse très connue. Influenceuse, ouais. En Angleterre, pour une influenceuse, on s'entend. Ouais, ouais. En disant j'aimerais venir passer 5 jours dans votre hôtel. Mais dans le fond, je veux pas payer, mais je vais vous faire de la pub dans mes vidéos. Sans dire que c'est de la pub, souvent ils font ça. Il y en a. Non, maintenant ils le disent de plus en plus. Ouais, il y en a qui le font pas. Ouais. Ouais, pareil, puis c'est eux autres les pires. Puis ouais, c'est ça, c'est les plus shameless. Sneaky, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Mais c'est ça. C'était comme ça au début. Ouais. Puis là, le. Bon, il y en a qui à ça répondent oui, il y en a qui c'est. Puis ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a caviardé le fameux courriel en rendant les informations quand même assez apparentes. Ça veut dire censurer avec des barres noires. C'est ça, mettre du bord noir dessus, mais il les a pas fait à l'ordi. Là. Il a pris un highlighter. Puis on va au travers en scannant, on va au travers. Là. Ouais. Si tu zoomes un peu, tu le vois. Il a publié ça sur sa page Facebook en disant que lui, les maudits influenceurs, il les a dans là où le soleil ne brille pas. Et qu'il trouve ça, il dit, ben regarde, on aurait pu peut-être, tu sais, mettons, tu loues une chambre comme tout le monde, tu payes, puis peut-être que si on aimait ce que tu disais dans tes premières vidéos, on aurait pu t'upgrader ta chambre vers une suite. C'est mettons, comme ça, c'est comme ça, on aurait pu. Ou de t'offrir un forfait, mettons, pour une prochaine fois, tu sais. D'habitude, c'est le commerce qui va approcher l'influenceur. Exact. L'influenceur va pas dire, OK, je veux du stock gratuit, envoyez-moi du maquillage. Ouais, c'est ça. Il a fait un genre de rant un peu sur, ben, tu sais, c'est bébé là. Puis moi, le tu sais, c'est. Mais c'est drôle qu'elle ait contacté elle-même. C'est ça qui est bizarre. Parce que la plupart des influenceurs qui ont quand même un bon nombre d'abonnés se font maintenant partie aussi de certaines agences. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes d'influenceurs, est quand même pas celle-là, puis je n'ai même pas retenu son c'est nom. C'est pas la plus grande. Elle est pas si big que ça. En fait, à l'origine, elle était plus connue pour ses vidéos de make-up. Ben oui, évidemment, c'est elle commence de même. C'est qu'elle veut juste du stock gratuit, puis elle veut devenir une plus grande influenceuse en vendant son pas mais talent. Mais c'est pas une très grande influenceuse, c'est ça l'idée. Donc, elle est dans elle le hustling. Elle est au stade où elle a pas le choix de se faire connaître. C'est ça, exactement. C'est le rêve américain, devenir influenceur. Ouais, c'est ça. Remarque-là, on parle en Angleterre, c'est une anglaise ouais, aussi. Ouais, on comprend le principe. Mais c'est ça. Donc là, il fait du gros shaming public, le gérant de la chose. Mais il fait du shaming sans rendre son nom évident. Il a fallu le chercher. Ouais, il a fallu le chercher un peu, mais ça s'est retrouvé. Il y a du monde qui l'ont attaqué, elle. Ouais. Parce que son nom... Là, fait une vidéo qu'elle pleure, puis ainsi de suite, de « Ah, je suis donc... j'ai été donc mal compris. » Persécution. C'est ça. Puis, tu sais, il n'y avait pas d'intention maligne, mais lui, il était malin. Bon, c'est vrai, il était baveux. Oui. Il était très baveux. Mm-hmm. Il doit l'assumer, en plus. Puis d'ailleurs, c'est à noter, ce gérant de pub-là avait déjà été dans les nouvelles en Angleterre. Ça n'avait pas traversé l'Atlantique, mais, tu sais, là, ça s'est su après. À propos, en fait, d'un... parce qu'il avait fait un espèce de stunt publicitaire où il disait que les vegans allaient être bottés en dehors de son bistrot. Oh mon Dieu, OK. Mais tu sais, en même temps, c'est un bistrot c'est un gars qui terroir, hate tout, c'est ça. Ben, il n'est pas même plus mature mais qu'il est. En fait, ce qui arrive, c'est que quand la fille a fait son vidéo, ce qu'elle pleurait, puis qu'elle disait, ben là, c'est pas malin, moi, ce que je faisais, puis tu sais, c'était peut-être maladroit, puis j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ça. Je voulais pas diminuer son travail, mais lui, il a diminué le mien, puis nanana, puis bon. Puis là, bon, le monde l'ont pris un peu en pitié, elle aussi. Il y a eu des gens qui ont fait « OK, ouais, non, c'est le monsieur qui est dans le tard. » Mm-hmm. Fait que là, eux autres aussi se sont fait écœurer sur la page ouais. Facebook. Puis lui, au lieu de dire « Bon, je m'excuse, j'ai été trop raide dans ma première application », il a fait « Non, je maintiens tout ce que j'ai dit. Pire que ça, vous allez... » Moi, en fait, à Star, c'est parce que là, il avait dit dans sa première application, il avait dit « Toi, t'es banni à vie. On veut, ouais. plus te voir, on veut pas mm-hmm. te voir chez nous. Essaye pas de louer une chambre. » Puis là, il a dit « En fait, pire que ça, tous les influenceurs, on se rend compte que vous êtes un influenceur, on prend votre stock, on le garoche à la rue. Vous êtes banni de notre facility, de notre... Mm-hmm. » Notre... voyons. Fait que outrage oui. de plus, puis tout. Pas de réponse de leur part. Ils attendent. Il dit... donc, après ça, quelques jours après, il fait un autre message sur Facebook. Il dit « Je tiens à remercier tous les influenceurs pour la publicité gratuite qu'ils me font. C'est magnifique. Avoir su, j'aurais commencé par vous écœurer, vous, parce que vous êtes tellement la meilleure crowd pour réagir tout croche à des affaires et faire de la pub gratuite. Merci beaucoup. » Il a fait plusieurs messages comme ça, mais le monde continue. Je suis pas en désaccord avec, parce que c'est vraiment ça, les influenceurs. Ça magnifique. C'est genre... juste... Puis il faisait juste les troller, puis ouais. c'est ce monsieur-là, extrêmement habile avec les réseaux sociaux, il a même fini par faire un vidéo qui est une fausse conférence de presse, mais tu sais, il a vraiment comme loué des micros avec un chevalet, avec une assistante à côté là, qui tient des feuilles puis qui chote à l'oreille des trucs. OK, fait qu'il a travaillé fort, ouais. le gars. Oh, là, il est pas mieux que l'influenceur. Il a dit « Moi, j'y vole de haut. » L'ironie s'est arrêtée s'il avait appelé une compagnie de micros pour pouvoir leur soudoyer des micros comme un influenceur. Non, je sais pas. C'est peut-être même pas des vrais micros. Là. Tu vois que la production value était cheap un peu. Là, probablement que c'était une affaire. « Hey, on le fait-tu? OK, on le fait. » Mais le problème c'est que le gars, déjà, en partant, en réagissant comme ça, il savait que ça allait y amener le client. Il a fait exprès. Il a sûrement appelé les médias, même. Peut-être qu'il a appelé les médias. Non, ben, mais par contre, il l'a pas fait. C'est une vidéo qu'il a mis sur YouTube, c'est tout. Mais tu sais, c'est qu'il fait un genre de... Il l'a mis sur YouTube, le vidéo, c'est une parodie de vidéo... tu sais, les vidéos d'excuses. Ouais, là. Ouais. À la Logan Paul dernièrement, puis tout. Tu sais, une conférence de presse de « Je suis désolé de ce que j'ai fait. » Mais en même temps, c'était ironique parce qu'il était très clair de « Ah, je suis vraiment désolé d'utiliser toute la fausse, toute la publicité que vous me faites. Je suis vraiment désolé d'avoir heurté vos sentiments dont je me calisse totalement. » Tu sais, vraiment, là, c'est génial. C'est qui ce monsieur-là? Je veux lui serrer la main. Mais ça, c'est vraiment bien utilisé. Puis de plus en plus, tu sais, il y a eu dernièrement, il y a eu H&M en Australie, je crois, les chandails avec les enfants, là, que... Il y avait un t-shirt pour enfants que c'était Coolest Monkey de... Non, c'était en Angleterre. In the Jungle. Coolest Monkey in the Jungle. Puis le mannequin, qui était un enfant... Là, assez jeune quand même. Un bambin, là, un enfant de 2-3 ans. Il devait pas pouvoir lire ce qui était écrit, mettons. Ouais, c'est ça. Qui était pas en âge scolaire. Enfant de garderie, là. Peut-être 3 ans, là. 3-4 ans, là. Qui était un enfant noir. Mm-hmm. Donc... Ben, tu sais. L'enfant le plus cool de la jungle, pour ceux qui parlent pas anglais. Le singe le plus cool de la jungle. Le singe le plus cool de la jungle. Ah, c'est vrai, c'est singe. C'était Monkey. T'as raison. Bon, pour un enfant noir. Puis à côté, il y avait un. Tu sais, l'autre à côté, c'était un enfant blanc qui avait un t-shirt Mommy's Little Hero, un truc comme ça. Ouais, quelque chose de normal. Là, c'est ça. Fait que là, c'était un peu malaisant. Ça a fait un outrage. Tu sais, on est rendu au point où qu'on se demande est-ce qu'en fait, ils font pas un peu exprès de faire des choses comme ça? Ça fait de la pub. Ah, là, après, ils s'excusent, ils retirent le morceau de linge, mais ça leur a fait de la pub quand même. Mm-hmm. Tu sais, c'est. Puis je dis pas, je suis pas en train de prétendre que c'est ça qu'H&M ont fait, mais on dirait que ça arrive de plus en plus des choses comme ça. Des moves de PR, on comprend pas comment est-ce que ça peut se rendre à. Il y a personne qui s'est dit que c'était une mauvaise idée. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, pour qu'une grosse compagnie comme H&M. Qu'une photo comme ça, que premièrement, un design de t-shirt et que la photo puis tout, que se retrouve sur leur site, ça passe par beaucoup de monde avant. Ben, je pense que ça arrivait pareil dans le temps, mettons. C'est juste qu'on le voyait moins rapidement. Est-ce que vous avez vu aussi... Là, c'est du moment que quelqu'un est outré, ça se ramasse sur les réseaux sociaux, puis là, ça fait le tour vraiment rapidement. Fait que t'as pas le temps de corriger ton erreur, mettons. Mais en même temps... C'est, je suis d'accord avec toi. Puis ça, il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression que c'est pire à Star, mais qu'en fait, c'est juste qu'on entend plus parler. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis ça, on peut aller à l'infini, là, mais tu sais, si vous avez suivi un peu l'histoire de l'application de contrôle de la fertilité, là, que les gens étaient outrés, mais en fait, l'application, scientifiquement, ça a été prouvé qu'elle est plus efficace qu'utiliser le condom, tu sais, mais oui, tu sais, carrément ce que la compagnie avait dit. Oui, effectivement, tu sais, plus il y a de monde qui utilise l'application, plus vous allez entendre parler de oui, c'est 8% de chances de tomber enceinte malgré le fait que vous l'utilisez comme faux, là. Mais tu sais, c'est parce que oui, vous allez en avoir de plus en plus parce qu'ils s'additionnent, ces choses-là. C'est ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est moins fiable ou de quoi, c'est juste que vous allez en entendre parler. Puis ça va se retrouver sur Internet. On dit, regardez, ça peut pas être parfait. C'est ça, rien qui peut être à 100% dans la vie. Mais c'est un peu la même chose, là, que, tu sais, oui, on entend plus parler, mais en même temps, je me dis, c'est tellement juteux à cette heure, ce que la publicité négative comme ça va te faire chercher. C'est pas obligé d'être des grosses affaires, là. Juste des gaffes, entre guillemets, qui vont faire parler un peu. Ça te donne bien de la pub que t'as pas à payer pour, là. Moi, je crois pas qu'il y a. Tu sais, je veux dire, je crois qu'il y en a que c'est vraiment des erreurs. Ouais. Non, c'est sûr que c'est pensé, c'est stratégique. Une série de malentendus et de monde qui ont dormi au gaz, qui ont dormi sa switch sur des affaires et de monde qui voulait pas dire le contraire de leur boss, puis ainsi de suite. Je le crois, là, que ça peut arriver à tous les jours de ça. Mais je crois aussi profondément qu'il y en a qui en profitent. Ben oui. C'est rendu dans l'arsenal des équipes de marketing. Ben oui, c'est officiel. Sûr, probablement, mais en même temps, on dirait que je me dis qu'il y a des choses qui vont être faites, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va être offensé par. Oui, c'est ça. C'est comme là, présentement. Les gens sont tellement facilement offensés. Dans les autobus, en ce moment, il y a des autocollants pour je sais pas quel cours au cégep ou peu importe. Là, puis là, ça dit, siège réservé pour. Et puis là, en dessous, c'est marqué genre futur photographe ou futur cuisinier, tu sais. Mais là, le cuisinier, ils l'ont mis au masculin pour pas se faire dire que si c'est une femme, reste à la cuisine. Photographe, c'est une femme, parce que si on avait mis un homme, ça aurait été ci, ça aurait été ça, tu sais. Faut tout le temps naviguer entre qu'est-ce qui pourrait offenser les gens. Je trouve que ça devient lourd un petit peu, quand même. Ouais, ça, c'est vrai. Mais, tu sais, c'est un peu comme de dire... Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, on faisait des débats en classe pour ou contre la mondialisation, tu sais. Ouais. Tant qu'à ça, pour ou contre la neige. Ben, c'est ça. Un autre exemple, en ce moment... On pourra pas, du jour au lendemain, les gens ne vont pas arrêter de soudrer, tu sais. Ouais. Dans les médias, en ce moment, ça parle de... Je sais pas, j'ai pas l'histoire devant moi, là, mais quelqu'un qui avait marqué 24, 25, 26 décembre pour demander un congé pour, je sais pas, c'était une commission scolaire. Puis les gens disent... ils sont fait dire par, je sais pas, c'était quoi, le gouvernement, que ça aurait dû être marqué de Noël. Les gens sont outrés dans les commentaires, tu sais, parce que c'est quoi, on n'a plus le droit de vivre. Mais s'il y a marqué Noël, il y a des gens qui auraient marqué, ben là, voyons, on ne peut pas marquer Noël, ça inclut pas tout le monde. Un des plus beaux exemples, en fait, ça, c'est l'espèce d'idéologie de la guerre à Noël, que ça, c'est les nationalistes identitaires qui se garochent tout le temps là-dedans. Ben, aux États-Unis, c'est là 10 ans, puis là, c'est maintenant au Québec. C'est encore aux États-Unis. Moi aussi. Avec le qui était assis dans le bureau aval, crée-moi que ça n'a pas arrêté. C'est l'histoire des bûches des fêtes de Vachon. Ouais. Hein? C'est donc outrant cette année, ils ont écrit bûches des fêtes sur la boîte. Ah, c'est à cause des maudits immigrés. Puis là, il y a du monde qui a ressorti les photos des bûches des fêtes en 1955. C'est écrit bûches des fêtes sur la boîte. Ouais, c'est ça. Ah oui, tu sais, dans le temps, c'était pour faire plaisir aux immigrants musulmans. Parce que, tu sais, en 55, il y en avait des immigrants musulmans au Québec. Comme Trump avait dit, genre, on a ramené le Joyeux Noël. Puis là, tu ressors les extraits de Obama qui disait Joyeux Noël à genre 150 fois dans sa carrière. Ouais. Mais il a enlevé Noël. On pourra en parler longtemps. Mais oui, c'est ça. Les gens vont se soutrer tout le temps. C'est vrai. Ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de l'environnement médiatique actuel. Puis quand je dis médiatique, je le dis au sens large. Là, j'inclus justement l'Internet là-dedans. Ouais, ouais. À plus forte raison, Internet. Parce que si le monde peut plus troller de manière semi-anonyme par Internet, par Facebook, puis tout, les gens peuvent soutrer aussi de des affaires que normalement ils seraient gênés de dire. T'sais. Ce que tu aurais eu, ne serait-ce que tu as dit la retenue de. J'ai-tu raison de m'outrer le monde? Ouais, tap, c'est... Sur le clavier, puis je tapais sur le bureau. C'est pour ça que j'ai fait le support auditif. Clac, là, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est all caps rage, puis après ça, se rend compte, moi, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule, mais trop tard, c'est facile. Je sais pas si on a assez la conscience pour se rendre compte qu'il aurait pas dû dire. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a du monde que, à l'époque, où il fallait que t'écrives une lettre à l'ombudsman, puis que tu t'appelles, puis... T'sais, le monde a mené, t'as tellement d'affaires à passer à travers pour chialer que mais tu chiales, qui font t'attendais d'avoir une bonne relation. Il faisait pareil. Parce que l'Ombudsman existe là, encore façon, à plusieurs endroits. Oui, ouais, c'est ça. Puis l'Ombudsman filtrait un peu, tu sais, quand ça n'avait pas d'allure. Il répondait pas à ça. Ben ouais. C'est à ça qui servait un peu aussi. Là. C'est ça aussi, c'était de filtrer les affaires de le gad, là. Hey, écoute, la jupe est un petit peu. La jupe de Virginie est un petit peu courte la semaine passée. Ah, c'est ouais. Ça. Pour ceux qui n'ont pas deviné, Ombudsman, c'est un petit peu comme le département des plaintes. Ouais, là. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est responsable des plaintes. Mais qui est indépendant du média qui, pour ouais, lequel il travaille. Ouais, c'est ça. C'est pas rien que pour le média. Il y en a un. Mettons, tous les hôpitaux ont un Ombudsman aussi. Si vous avez une plainte à faire, vous contactez l'Ombudsman relié à l'hôpital. Puis. Cette personne-là peut vraiment le compte à rendre, peut parler contre c'est l'hôpital ça. Sans problème. Cette personne-là n'est pas engagée par l'hôpital c'est ou n'est pas engagée par le. Mais c'est ça. C'est ça, c'est un genre de département des plaintes plus neutre. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une des affaires, une des parties de la job d'Ombudsman, c'est de trier les plaintes qui ont de l'allure que de celles qui en ont pas pantoute. Comme là, faudrait dire Ombudsperson, là. Ombudsperson, ouais. Un nom. Ouais. Attention, ouais, c'est parce que c'est un mot qui vient d'une autre langue. Ouais, tu comprends ça, le principe. Ça vient de l'allemand ou du hongrois, enfin, non, non. Mais ouais, je vois l'heure, hein, ça file. Quand on parle de. On est rendu bien habitué d'avoir des quand on parle d'affaires qui peut amener des débats. Ouais, c'est ça. C'est, on discute. On jase. C'est ça. Mais ouais, ce que je voulais en faire, en fait, c'est que, tu sais, quoi faire avec ça? Parce que, moi, surtout quand j'entendais parler des histoires de Jake Paul avec sa maison, puis tout, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça maintenant, en même temps? Ouais. C'est parce pas que illégal en tant que l'outrage. Non, c'est ça, t'es chez le vous. Critiquer, puis je dis l'outrage, mais même le critiquer, puis tenter de sévir, entre guillemets, contre ces personnes-là, c'est-à-dire quand les autorités compétentes font de quoi, ben, ça fait juste leur donner plus de pouvoir, en fait. Tu sais, ça fait juste nourrir la bête. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux faire à cette heure? Puis je me suis dit, tiens, ça va faire une belle fin de chronique, tu sais, comme discuter de qu'est-ce que tu peux faire à cette heure. Puis honnêtement, j'en ai aucune idée. Tu peux pas vraiment faire grand-chose parce que, en théorie, il est chez eux. C'est ça, c'est ça. Ben, dans le cas de Jake Paul, oui, mais je veux dire, dans d'autres affaires. Puis moi, je pense qu'en fait, à un moment donné, la seule arme qu'on a contre ça, c'est l'indifférence à un moment donné. Ah ouais, carrément. Si on soutrage, si on ne soutre pas contre telle affaire, ben on y enlève ce qui amène de l'eau. On n'amène pas d'eau à son moulin. Puis, fait que c'est déprimant. C'est un peu l'espèce de mauvais conseil qu'on donne aux enfants de occupe-toi pas des bullies, ils vont arrêter, ils vont se tanner. Exactement. Ils vont voir que tu réagis pas. T'es pas fait à chalet gros dans ta vie si tu penses que ça marche, là. Mais en tout cas. mais tu sais, je pense qu'on en revient un peu à ça, c'est l'outrage qui est nourri, fait qu'il faut arrêter de nourrir la bête. Sur cette parole, c'est une belle morale, ça, je ben crois oui. que je vais terminer ma chronique là-dessus. J'aime ça, merci Sébastien. Ben ouais. Merci à vous. Hein, avec une morale à la fin. On a adoré ça. Il devrait y avoir une petite musique de violon comme un sitcom avec les. Ça serait bon. Ouais. Merci encore. On te retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis matin en début d'émission. Oui. Merci Sébastien. Et demain à 18h. Oh, je m'excuse. Pour la première de la sortie de secours est à votre gauche. T'as bien raison. Désolé, avec Lucas Hubert, c'est le retour demain soir, jeudi à 18h. 17. Quelle heure? 18. 18h. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. C'est Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Sport et filoché. Sport et Flushé, bonjour à toi. Bonjour à toi, Mathieu. Dans une case horaire exceptionnelle. Oui. Dans l'organisation du carnaval. Exact. Et même qu'au départ, je pense que j'en avais parlé la semaine dernière. Ouais. Je pensais pas faire la chronique. Et la seule raison pourquoi je suis là ce matin, c'est parce qu'il y a une bombe qui est tombée la semaine dernière, en fait. Une très, très grosse nouvelle. Les Patriotes de l'UQTR qui ont dû déclarer forfait

Au jour, le jour, fixé par votre banque. Au jour, le jour. Au jour, le jour. OK, oui, oui, quotidiennement. Qui a été fixé, okay. Exactement, par votre banque, dans votre pays, donc la Banque du Canada, peu importe. Donc, toutes les banques ont la même... On n'a pas tous le même taux. Non, non. Okay. Mais le taux directeur, lorsque ça augmente, c'est comme géré par la Banque du Canada qui gère toutes les autres banques, si j'ai bien compris. C'est comme un genre de prix suggéré au détail. Exactement. En fait, ça permet à vos banques de réguler un petit peu l'activité économique de ce qui se passe dans leurs fonds. Okay. Puis, il existe plusieurs taux directeurs qui peuvent prendre des noms différents selon les pays, sachez-le. Mais ici, au Québec et au Canada, c'est le taux directeur Giroux. Ça en plaît, ça, Mathieu, t'as tout compris. Ouais. Non, c'est le taux directeur qu'on établit souvent comme un taux d'intérêt, en fait, tout simplement. Parce que oui, le point négatif, c'est que votre taux d'intérêt va élever. C'est ça. C'est ça. Vous allez économiser plus, mais en même temps, vous allez payer plus. C'est un instrument, en fait, qui est utilisé pendant des opérations qui sont hebdomadaires de refinancement. Donc, ça va un petit peu établir la situation monétaire. Et comme on a réalisé dans la dernière année au Québec qu'il y avait moins de chômage et que l'économie allait mieux, eh bien, on s'est dit pourquoi pas rendre les gens encore plus fâchés et monter le taux directeur de nos banques. Donc, c'est ce qui se passe présentement. Les banques, ça veut se refinancer à court terme et ça peut le faire en payant un intérêt sur la somme qu'elle emprunte auprès des banques centrales du pays respectif. Et c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire avec le changement de taux directeur. Pourquoi est-ce que ça fait tant parler au Québec présentement? C'est que c'est le troisième en 2 ans. Ah, okay. Donc, on a augmenté la première année. Si je me souviens bien, c'était aux alentours de 2016. On a augmenté de 0,25. C'est pas si pire. Par la suite, 2017, même chose, 0,25. Et là, 2018, on ajoute un autre 0,25 à tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Bien, mesdames, messieurs, l'achat d'une maison au Québec, ça va vous coûter encore plus cher. Ah. C'est ça veut dire. Parce que ça amène, bien évidemment, quelques petites répercussions. On aimerait rappeler, en fait, que... Dans le temps, là, tu sais, c'est drôle, vous avez peut-être des discussions avec vos parents ces temps-ci, puis là, on a souvent la discussion avec certains parents de parler d'argent. Ben oui. Tu sais, de comment gérer nos finances. Puis, comment ils veulent gérer tes finances. C'est ça, ouais. C'est surtout ça. Et souvent, ils se disent que les choses allaient beaucoup mieux dans leur temps. Eux, ils savaient quoi faire. Tu sais, à la mi-vingtaine, il y avait déjà une maison, il y avait déjà une famille, le mariage était là. Ça veut pas dire qu'ils étaient heureux. Ben non, ça veut pas dire qu'ils étaient heureux, mais... Mais ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Il y avait un emploi stable, ils payaient leurs factures. C'était ça, la vie, tu sais. Ils travaillaient dur. Ils travaillaient. Tu sais, il aime ça te le rappeler. Fait que c'est drôle. On les salue. Exactement, parce qu'on aimerait rappeler aussi à ces gens-là qui nous le disent tout le temps que dans les années 80, acheter une maison, ça coûtait moins de 100 000 $. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. De nos jours, en fait, mesdames, messieurs, trouver une maison en bas de 150 000 $, ça se fait pas. Mm-hmm. On parle de condo. Ça commence à 150 000 $. Donc, déjà en partant, le taux de vie a changé. T'sais, on s'entend, ça nous coûte plus cher. Un pouvoir d'achat, c'était beaucoup plus important avant que ce l'est maintenant. On parle beaucoup plus de location à long terme maintenant, avec peut-être promesse d'achat si ça nous tente. Mais l'augmentation du taux directeur, ça vient avec des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur en 2016. Ça veut dire que ça oblige les gens avec une mise de fonds de moins de 20 % à souscrire à une assurance préhypothécaire et ça va augmenter le taux d'intérêt en vigueur au moment de l'achat. Donc ça veut dire que votre maison va vous coûter plus cher si vous décidez d'acheter une nouvelle maison. Et comme si c'était pas nécessairement suffisant à toute cette belle petite histoire que ça va vous coûter plus cher, bien la Banque du Canada vient d'annoncer justement la nouvelle augmentation du taux directeur. Et selon Stephen Pollard, le gouverneur de la banque, l'économie est justement en bonne forme. On se porte bien du côté de l'économie québécoise et du Canada qu'on peut se permettre une hausse comme celle-là. On a eu moins de chômeurs, donc on a moins de postes vacants. C'est une augmentation de la consommation et des investissements au Canada. Et tout porte à croire que le Québec est prêt pour un tel changement. Tout à l'heure, j'ai dit c'est la troisième hausse depuis 2016. En fait, c'est la troisième hausse depuis 2010. Le taux était passé de 0,5 à 0,75 en juillet dernier. Donc, on a eu une bonne augmentation à ce niveau-là. Le taux, tu sais, ça fonctionne tout le temps sensiblement par taux cible. Cette année, on va monter à partir du... ça l'a monté à partir du 17 janvier okay. à 1,25. Donc, on a eu une modification, en fait, d'une hausse de 0,25% au niveau du taux directeur. Ça va affecter, bien évidemment, les hypothèques, mais c'est une hausse qui va toucher aussi les prêts étudiants, les cartes de crédit, les marges de crédit, les prêts automobiles et les comptes d'épargne. Ah! J'y arrive. Ouais, c'est ça, exactement. J'y arrive. Attachez votre sucre. Les marges de crédit, bien, utiliser l'argent disponible sur sa marge de crédit va vous coûter beaucoup plus cher maintenant. Parce que les taux d'intérêt de ceux qui ont été mis sur votre marge de crédit sont directement liés à la hausse ou à la baisse du taux préférentiel. Donc, ce taux-là, en fait, est lui-même lié au taux directeur. Donc, lorsque vous avez une marge de crédit, vous avez bien évidemment un taux préférentiel sur votre marge. Vous vous dites, je peux dépenser tant, ça va me coûter tant si, par exemple, si je ne leur donne pas à temps. Mais ça, c'est directement lié avec le taux directeur. Donc, le taux préférentiel, c'est le taux d'intérêt qu'imposent les banques à leurs clients d'affaires qui sont les plus solvables. C'est comme un taux de référence sur lequel on va négocier, en fait, tous les prêts à un taux variable. Par la suite, les prêts étudiants. Les anciens étudiants pourraient voir leur salaire entamé s'ils ont choisi un prêt à taux variable. Si vous avez choisi un prêt à taux invariable... Fixe, ouais. Bonne chance. OK. Les prêts automobiles maintenant, mais ce sont des prêts qui sont généralement à taux fixe aussi. Donc, les futurs acheteurs vont payer un peu plus de leur poche pour avoir un prêt automobile. Si on regarde les comptes d'épargne maintenant, parce que ceux qui veulent épargner, ben, on veut bien évidemment bénéficier de certaines augmentations ouais. et tout ça. On veut faire de l'argent avec... C'est le but, en fait, d'un compte épargne, tu sais. On veut se mettre de l'argent ouais. de côté. C'est sûr que le pourcentage est si faible. Exactement. Donc, on pourrait bénéficier, en fait, d'une augmentation des taux d'intérêt payés par la banque sur l'argent qu'on dépose dans notre compte d'épargne. Okay. Par contre, il y a des intérêts qui sont souvent très, très bas. Et que les gens qui veulent épargner risquent pas d'avoir une grande différence. Non, c'est ça. Par contre, il va y avoir une différence. Oui. En ce moment, il y a des petites fenêtres d'opportunité. Si vous vérifiez dans plusieurs banques qui ont un taux promotionnel en ce moment, oui. jusqu'en février, pour la plupart. Oui, exactement. Un petit peu plus, c'est genre dans le coin de 2%. C'est pas grand-chose, mais bon. Si vous avez un prêt, par exemple, à taux variable, bien, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de contacter votre banque, pour savoir quels vont être les impacts sur vos paiements de ce prêt-là. Mmh. Parce que oui, ça va changer vos paiements. Et si vous êtes de ceux qui reçoivent, par exemple, une lettre de votre banque, puis vous dites « Ah, c'est de la publicité, vous l'achetez automatiquement », probablement que c'est inscrit à l'intérieur, puis vous ne l'avez pas vu. Donc, de ce côté-là, prenez en considération que oui, si vous avez un prêt ou si vous aviez l'intention d'avoir un prêt dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois, eh bien, ça va changer votre paiement, c'est sûr et certain. Il y a des taux d'intérêt aussi qu'on ne pourra pas passer à côté, là. Ça vient un petit peu avec l'inflation de la vie. C'est les prix vont monter aussi, c'est sûr et certain. Faites attention à vos cartes de crédit, comme on le disait tout à l'heure. Pour ceux qui prennent une hypothèque, bien dans l'hypothèse où les taux hypothécaires vont grimper d'année au niveau du pourcentage, bien ça va se traduire par une hausse mensuelle. Donc de ce côté-là, on va parler de tranches d'hypothèque. Il faut faire attention selon ce que vous avez comme hypothèque aussi, ce que vous avez hypothéqué. Si on parle d'une maison, par exemple, bien, vous allez peut-être avoir un amorti sur un nombre d'années. Mais sur une base annuelle, on parle d'une augmentation de coûts hypothécaires qui va aller, par exemple, de 624 $ à 685 $. C'est quand même une bonne augmentation, on va se le dire. C'est une soixantaine de $. Ça veut dire qu'il va y avoir remaniement de budget à devoir faire un petit peu partout au Québec pour les personnes qui ont des hypothèques, des marges de crédit, des prêts... Il y a des gagnants, tout ça. Par contre, disons-le, la hausse du taux du directeur va être grandement appréciée de la part des épargnants, ceux qui mettent de l'argent de côté, qui misent justement sur les placements conservateurs, comme par exemple les obligations qui sont émises par Épargne Placement Québec pour faire fructifier nos épargnes. Et au travers de tous ces gens-là là, qui vont pouvoir gagner de l'argent avec ça, bien, ils se retrouvent bien évidemment les retraités qui craignent comme la peste, la bourse et les fonds communs d'action. Et bien, ces gens-là qui ont quand même beaucoup d'argent de côté, ça va probablement être eux qui vont réussir à faire fructifier grâce à ce taux du directeur qui va être élevé. Et les épargnants qui sont conservateurs un petit peu, là, ils vont pouvoir recommencer en fait et au moins protéger leur épargne contre l'inflation. Donc, c'est peut-être le moment là, justement de penser à mettre de plus en plus d'argent de côté si vous êtes de ceux qui en temps normal, ont un petit doute sur les comptes épargne, les comptes CELI, les REER, tout ça. C'est peut-être le temps d'y penser là, ouais. Avec cette hausse du directeur-là. Arrêtez de penser aux bitcoins. Oui, exactement. Pensez à la vraie argent. Apparemment que le bitcoin, ça va pas super bien non plus de ce côté-là. On perd en popularité un petit peu. Super bien. C'est tellement... C'est ça. Variable. C'est variable et veux pas, faut que t'aies une grande valeur du risque pour décider de mettre de l'argent sur des bitcoins. Tu vois jamais tes bitcoins. Parce que tu as dit que t'avais des amis ou des connaissances, peu importe, qui avaient mis de l'argent là-dedans, qui étaient devenus peut-être riches. Ouais. Là, ça a crashé. Là. Oui, exactement. Et leur argent, ils l'ont probablement perdu. C'est ça. C'est une question. Fais ton cash puis quitte le plus vite possible parce que, en tout cas, bref. Ben, il y a un jeune de 18 ans qui s'était rendu millionnaire avec l'achat de bitcoins qui, récemment, je pense que c'est la semaine dernière, a sorti une vidéo sur le fait que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça d'investir dans les bitcoins parce que c'est lent. C'est très, très lent. Et c'est plus ce que c'était au début de la valeur. Et ça coûte très, très cher aussi, ben, en plus. Oui. Exactement. Présentement, un bitcoin, je sais pas quelle valeur ça a, mais dans le temps, on jouait aux alentours de 10-12 $ d'investissement. Mm-hmm. Pour décider de mettre de l'argent sur un bitcoin. Là, ça doit être pas mal différent. Ça doit coûter pas mal plus cher. Et comme on le dit, vous voyez jamais vos bitcoins. Hein? Ça sert de transfert un petit peu sur Internet. C'est de l'argent fictif. Donc, de ce côté-là, vous savez jamais vraiment à quoi vos bitcoins servent. Présentement, un bitcoin au complet, c'est 13 863,68 $ canadiens. C'est ça. Uh-huh. Ça a baissé de 9,68 dans les dernières 24 heures en pourcentage. Mm-hmm. juste montrer à la caméra 3 le cratère qu'un bitcoin a causé. Boy. C'était des montagnes et maintenant c'est un fleuve. Oui, exactement. Un fleuve. Monts et vallées, hein? C'est incroyable. Pas à conseiller ben. Donc, de ce côté-là, côté finance, côté de la hausse du taux du directeur dans la plupart des institutions bancaires au Québec et au Canada, si jamais vous avez des questions, appelez un conseiller. Si vous n'en avez pas, en fait, appelez un conseiller. Prenez-vous-en, savoir qu'est-ce que ça va changer dans votre budget. Et c'est sûr que si, à la base, vous n'avez pas de prêt, vous n'avez pas grand-chose à devoir repayer, c'est sûr que de ce côté-là, votre taux d'intérêt ne va pas nécessairement changer. C'est sûr qu'à la base, la plupart des gens ont des cartes de crédit. Oui, peut-être que votre taux d'intérêt va augmenter là-dessus. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps de mettre de l'argent de côté là, avec cette hausse-là. Donc, allez-y, lâchez-vous loose. Hey ho, let's go! À chaque fois que vous avez une paye... C'est ça, faut être sage! Mettez de l'argent dans le petit cochon! C'est ça, parce que sinon la vie, elle va être longue! Pas c'est d'argent, ça! Hein? Merci, Tania! Fait plaisir! Tania, c'est gagnant tout, Tania! Encore celle-là, là, pour vrai, cette chronique-là, là. Extraordinaire! Merveilleux! Bravo! Merci! Voilà, c'est tout pour Assemblage Requis édition week-end. On se retrouve lundi pour une autre semaine d'Assemblage Requis. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, édition week-end, les dimanches dès 15h. Pour Tania Baudin et moi-même, Mathieu Plante, merci d'avoir été là. Week-end, à lundi!